Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Sébastien F. Gartin clarifiera l'actualité dans son bulletin Gartin et Frédéric Bernard double-cliquera sur notre curiosité dans Google Club. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bienvenue à Assemblage Reiki en ce mercredi 9 décembre 2015, 139 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016 et 12 jours avant la fin de la session d'automne 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Salut, ça va bien? Ben, nous deux, toi et moi, ce matin, on doit en parler, ça va pas, ouais. Pas super bien. Hey, je sais pas si tu as réussi à me transmettre ta grippe hier par les ondes ou quoi que ce soit, là. Mais j'ai un mal de gorge assez intense ce matin. Je suis bloquée au niveau des sinus. Ça va pas super bien, notre affaire. Non, pas très bien. Bon, on va résumer un petit peu la situation. Ouais. Lundi, on a fait l'émission. Oui. Je suis arrivé une demi-heure en retard parce que j'avais été sur le cul toute la fin de semaine avec mon rhume. Donc, lundi, on a commencé ça. On a fait l'émission. Après ça, tout le monde me disait « T'as donc bien la blame. Retourne chez vous. » Donc, je suis resté chez moi lundi après-midi et mardi toute la journée. Finalement, j'ai annulé l'émission d'hier matin parce qu'on n'avait pas de chroniqueur. Exactement. Tu as animé les palmarès à ma place. Ouais. Je te remercie. Je remercie Samuel Girard et Denis Baudin. Ça fait plaisir. Et puis après ça, ben là, ce matin, finalement, tu m'écris je vais pas si bien, moi non plus. Ouais, non, mais on s'est dit qu'on allait venir parce qu'on avait quand même une belle émission aujourd'hui. Puis que probablement, tout de suite après notre émission, on allait quitter. Ben, ça ressemble à ça. On vous l'annonce peut-être en exclusivité qu'on va pas t'offrir longtemps. Mais oui, on a des chroniqueurs aujourd'hui. Et ça va donner qu'on n'aura pas grand-chose à dire. En effet. On n'aura pas à parler tant que ça, donc pourquoi ne pas juste se déplacer, venir faire l'émission et sacrer notre temps. C'est ça, parce que de toute façon, nos meilleurs amis présentement sur les bureaux en studio, c'est soit une boîte de Kleenex ou comme 4 paquets de pastilles. Ouais. On en distribue comme des bonbons. Oui, c'est sûr. On est comme des pédophiles inversés. C'est ça, puis on a plusieurs sortes. Alors, si jamais les bouclés ne vous intéressent pas, on en a d'autres. Alors, vous pouvez passer au studio, on est plein de pastilles. Il y en a aux fraises, il y en a au miel et citron. Bouclés. De toutes les sortes. Bouclés aux cerises. Bouclés, c'est une saveur en tant que telle, je pense. C'est saveur de bouclés. Ouais, saveur pas bonne, mais efficace, apparemment. Apparemment. Bref. Parlons donc de l'émission d'aujourd'hui. On a à 8h Sébastien F. Gartin et sa chronique Bulletin Gartin. Oui. Où on parle d'actualité. En temps normal. En temps normal, habituellement. À 8h30, Frédéric Bernard et Google Globe, lui, parcourt les contrées d'Internet avec sa hache puis son petit marteau. Pour frapper les pierres dans son chemin. On sait pas. Puis on va faire d'autres affaires avec ça autour. Je sais pas trop quoi, là. Écoute, on va réussir à faire quelque chose ce matin. Il faut. Je pense que t'as insisté à faire ta chronique aujourd'hui. Mais j'ai insisté à faire ma chronique. Pas tant insisté, là, mais je voulais la faire parce que de toute façon, je voulais la présenter hier. J'ai pas eu l'occasion de la présenter. Puis, si on la présente pas, ben on va comme avoir un trou d'une demi-heure dans l'émission. C'est ça. En tout cas, bref, on va essayer de faire ça dans quelques instants. Oui. Avant ça, par contre, tu nous as choisi, on fait une pièce qui a absolument pas rapport ce matin, je comprends pas trop. Ouais, je sais, mais c'est le fait qu'on avait la grippe, puis en temps normal, ça vient avec. Ouais. Les changements de température. Ouais, je sais. Voici le ski. Avec Dans la neige. Bonne émission. Est-ce qu'on tousse dans le micro? Profond. Ouais, hein? étoiles, une cabane au fond des bois. L'hiver sauvage, cette année-là, t'avais jeté dans mes bras. Ta jeunesse, ta maladresse, puis tes jolies fesses. Tu fuyais le monde immonde à chaque seconde. Feu de forêt dans mon corps. T'as ouvert la boîte de pain. Avec Dans la neige. Un autre petit coup. Ouais, Dans la neige, là. Vous êtes à son âge, Ricky. C'est à l'émission aujourd'hui où on a le rhume tous les deux, Tania et moi. On disait que l'université, c'était le pire endroit. Si tu veux pogner un rhume, là. Va à l'université. Va à l'université. À la cafétéria, t'as juste croisé dans les corridors du monde. Le café. Ouais. Peu importe où tu vas, la salle de bain. Oui. C'est sûr que t'as plus de chances de pogner la grippe à l'université que n'importe où ailleurs dans la ville de Trois-Rivières. Peut-être autre que l'hôpital. Ouais, le centre d'achat est pas pire aussi. Ouais, le centre d'achat aussi. Surtout dans le temps des fêtes. C'est ça. Bref, c'est le moment de parler avec toi, Tania Baudin. Et oui. Voici Tania, c'est gonna entertain. Là, il faut chanter avec un rhume. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle, c'est Tania! Ha ha ha! Je suis galant de Tania! Ouais. Ah, t'as bien fait ça, Mathieu. Ah, merci. C'est à la fin que ça a vraiment pour tombé. Pour un gars qui a la grippe depuis 3 jours, depuis même plus que 3 jours, t'as bien fait ça. Depuis vendredi soir. Bref, Tania, toi qui commences aujourd'hui ton rhume, donc ouais. Sache que ça va durer minimum 5 jours. Oh non. Je pense. J'ai vraiment pas le goût. Mais aujourd'hui, par contre, tu nous parles de quelque chose qui va nous remettre vraiment sur le piton, je pense. En temps normal, oui, parce qu'on adore ça. Hier soir, j'écoutais, je sais pas si toi t'as eu la chance, peut-être que t'étais cloué à ton lit, mais. Oui, j'étais cloué. J'ai regardé le fameux. le fameux défilé de Victoria's Secret. Ah oui! Et ma chronique d'aujourd'hui, c'est clair qu'eux en mangent pas souvent. Bon point. Parce que honnêtement. Ben, il y en a qui sont en forme de tablette pas mal, ça. Il y en a qui sont en forme de tablette, il y en a qui sont en forme point, là. On a vu des extraits où que les filles s'entraînent, là. C'est assez intense, merci. Mais tout ça pour vous dire que je vous parle de chocolat! Ah, ma joke de tablette de chocolat a du sens maintenant. Ben, ouais. Voilà. Ben oui, tout à fait. En fait, je vais vous parler un petit peu plus des bienfaits du chocolat. Ah, cool. Merci à ma mère de m'avoir mis sur la piste à me dire tout le monde aime ça, le chocolat. Pourquoi est-ce que tu parles pas de chocolat à la radio? C'est vrai. En plus, pour ceux qui écoutent en direct en ce mercredi matin, juste avant nous, dans Prérequis, c'était la chronique où tu disais les bienfaits du café. Ouais, exact. Ça fait super bien. Ça fait super bien si vous prenez du café avec du chocolat. Là, peut-être que vous allez sauter au plafond, mais. C'est ça, même. Moi, c'est une journée parfaite, ça, je pense, pour moi. C'est ça, hein? Ouais. On devrait essayer ça tout à l'heure. le point numéro un, en fait, je pense que tout le monde le sait, c'est que ça a une action sur le moral quand on mange du chocolat. Donc, l'action bénéfique du chocolat sur le moral aurait peut-être une origine des éléments euphorisants, une action, en fait, antidéprime, si tu veux. Puis, les effets conjoints du magnésium et du sucre qui est contenu dans le chocolat permettent un regain d'énergie. Puis, c'est pour ça que la plupart du temps, quand tu vas prendre peut-être juste un petit morceau de chocolat, bien, tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas te sentir beaucoup plus énergisé, mais c'est sûr que ça va durer beaucoup moins longtemps. Et là, on parle évidemment de chocolat noir, et non pas bout de caramel. Je voulais spécifier la chose. Tous les bienfaits sont faits avec sont faits. Ces bienfaits-là viennent du chocolat à 70%. Et plus. D'accord. Mais là, c'est ça. On veut pas être. On veut pas faire de racisme envers le chocolat, non. Noir, blanc, etc. On veut pas devenir des anti-pépites. Non. Au lieu d'antisémites, anti-pépites. Ouais, j'avais compris. Ouais. Anti-pépites. Ouais. Je suis pas en forme. Moi non plus. Non. Mais je comprends ce que tu veux dire. Faut le dire aussi parce que, tu sais, c'est pas parce que je parle des bienfaits du chocolat que si vous allez vous chercher une aéro au dépendant du coin, ça va faire exactement les mêmes bienfaits. Non, même qu'on veut, on vous veut comme ami. T'sais. Exactement. Puis, le lait que contient ce fameux chocolat-là, ben, il va venir un peu défaire les bienfaits du chocolat noir. Donc, tenez-vous-en au chocolat à 70% et plus pour les bienfaits que je vous parle ce matin. Génial. Évidemment. Côté féminin, on sait un petit peu tous qu'est-ce que le syndrome du SPM. Oui. Eh bien, ça a une action bénéfique sur le SPM. Le chocolat. Tu te mets pas dans le. Non, okay. Quand même pas, là. Tu sais, il y en a en Chine qui font des affaires, là, à se rentrer. Là, en tout cas. Pour ce qui est du SPM, mesdames, le chocolat, ça libère des endorphines qui calment l'anxiété. Donc, en plus d'être riche en magnésium, ça vient vraiment positivement faire une action sur votre humeur et ça prévient aussi la rétention d'eau, ce qu'on aime surtout quand on est dans nos SPM. Mais honnêtement, moi, je connais beaucoup de filles ou de femmes qui n'ont pas nécessairement, tu sais, ces fameux syndromes prémenstruels-là. Ouais. Tu sais, il y en a que c'est la fin du monde. Là. Je me souviens quand j'allais au secondaire, il y a des filles, ils pouvaient passer 2 jours à l'extérieur de l'école à cause de des crampes incroyables. J'ai jamais vraiment vécu ça. Puis j'ai d'autres amis aussi non plus qui. Ça, excuse-moi d'avoir peut-être manqué quelques cours de biologie, mais la différence entre les SPM et ce qui se passe pendant les menstruations, parce que SPM, c'est pré-menstruel. Exactement. C'est toute l'humeur qui change. Exact. Hein. Le syndrome prémenstruel, tu sais, les gars, si votre blonde. Elle n'est pas parlable ou elle braille tout le temps. Ouais. Une semaine avant d'être dans sa semaine, c'est ça les fameux SPM. Le timing est là. Exactement. Sachez-le. C'est là que ça se passe. C'est pas tout le monde qui sont sur le même rythme non plus. Hein. Non, en effet. 28 jours, là. Ça, c'est provoqué par la science moderne et les pilules de. Honnêtement, moi, j'ai jamais compris ça, là, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas. Une autre action bénéfique, bien, ça a une action, évidemment, de stimulation du cerveau. Donc, grâce à des antioxydants qu'on retrouve à l'intérieur du chocolat, évidemment, encore une fois, à plus de 70%, ça stimulerait le cerveau. Puis ces antioxydants lui permettent également de protéger du vieillissement cérébral. Ah! Donc, on disait dans la chronique, justement, un petit peu plus tôt ce matin, que le café va aider au vieillissement, à tout ce qui est cardiovasculaire, mais aussi à la mémoire. Bien, le chocolat a un petit peu cet effet-là aussi à plus de 70%. Ça va venir protéger du vieillissement cérébral, puis ça va faire aller tes neurones, mettons, de façon plus éveillée. Mm-hmm. Donc, on aime ça quand même. Ouais. La diminution du risque de maladie cardiaque, c'est un bienfait du chocolat. Et du café, on l'a dit l'autre fois. Et du café, c'est donc ça, ouais. Tu vois, un découle quand même de l'autre bien souvent. Ça va ensemble. Ben oui. Le chocolat, ça a une action préventive contre les maladies cardiovasculaires. Ça aurait un effet anticoagulant. Donc, c'est comparable à celui de l'aspirine et ça ferait baisser la tension artérielle. Pour les personnes âgées, donc, peut-être... tension artérielle, mm-hmm. comme de l'aspirine, je sais pas. Ben oui, l'aspirine, ben oui. Il y en a qui prennent ça quotidiennement, les personnes âgées? Je crois que oui. Je crois que... à faible dose. Oui, c'est ouais. ça. Mais le chocolat aussi, il faut le prendre à faible dose. Ouais. Je tiens à rappeler, si vous mangez une tablette de chocolat noir au gras complet, ça va être beaucoup plus... je vais pas dire néfaste, mais c'est sûr que ça va être beaucoup plus gras que si vous prenez une barre de chocolat aéro. Oui, puis trompez-vous pas de barre de chocolat non plus, parce que tantôt on disait que ça réduisait l'anxiété, mm-hmm. mais il y a des sortes de chocolat qui vont réduire le... Attends un peu, je suis pas capable de la faire. Qui vont être laxiative. Si tu prends le chocolat laxatif. Ouais, non, ça existe-tu du chocolat laxatif? Ouais, ça existe. Ah, ok. Mais c'est quand même, avoue que c'est le fun... De passer par l'effet laxatif, mais avec une barre de chocolat. Ben, au moins, c'est sûr, l'avantage ça. D'avoir goûté à du chocolat. C'est ça, ça doit être beaucoup plus plaisant que de prendre simplement du laxatif. C'est ça. En tout cas, tout ça pour continuer sur le risque, la diminution du risque de maladies cardiovasculaires. Eh bien, il y a des chercheurs qui ont dévoilé pendant une conférence de l'American Chemical Society à Dallas. Je me sentais bien intelligente de placer ça. Que certaines bactéries retrouvées dans l'estomac transforme le chocolat en composé anti-inflammatoire bon pour le cœur. Mmh. Ça, je savais pas ça. T'sais, on dit souvent qu'il y a des bonnes bactéries à l'intérieur de nous, mais ça, entre autres, ce n'est une qui fait en sorte que ça va changer le composé du chocolat et ça va être très bon pour votre cœur. L'auteur de l'étude, le docteur John Finlay, avoue qu'il y a un nom de docteur, de l'Université Louisiana State, a expliqué que la présence du chocolat, ça permet aux bactéries de se multiplier justement, puis les composés qu'elles produisent réduisent l'inflammation des tissus cardiovasculaires et ça abaisse le risque d'accident vasculaire cérébral à long terme. Okay. Je me sens comme Justine un matin. Oui, ben t'as l'air, ouais, t'expliques les choses de façon... assez scientifique. Claire et scientifique, oui. J'espère que je fais ça comme du bon. Oui. Justine, si tu m'écoutes, tu me texteras d'autre. C'est ça. Moi, je te crois, en tout cas. OK, excellent. J'ai essayé de vérifier mes sources en plus et à date, tout semble bon. Alors, ça concorde. C'est ça, au moins. C'est ce qui était pour les diminutions de risque de maladies cardiaques. Donc, on se rappelle, on n'est pas mangé comme une palette complète. Là. Une grosse table ronde, là. C'est ça. Miam. Quand on parle... de tous ces bienfaits-là, c'est comme si vous preniez simplement un carré de chocolat noir par jour. Mais là, en plus, faut, on a dit qu'il fallait rajouter du café, que c'était bon pour vous. Et le vin, on a déjà parlé à un moment donné de ça c'est aussi. Vrai. Donc, bon petit trio ce soir. C'est un très bon trio. Ouais, mais à vous, là. Oui. Porto, ouais. Chocolat, puis après ça, café. C'est. Et, hein, le paradis sur Terre. Puis un foyer avec une peau d'ours. C'est ça. C'est merveilleux. Quelqu'un sur qui t'as collé. Ouais, ça c'est un peu plus compliqué, ouais, mais ouais, il n'y a pas de meilleur setting pour une belle soirée. Porto, chocolat, puis un petit café avec la peau d'ours et le petit foyer. Ah, oh, wow. Là, on vous donne des idées ce soir. Là. Crème fouettée. Notez. Chest. Ouais, c'est ça. Tu sais, en fin de session, ça se prend tout le temps bien. Un des autres bienfaits du chocolat, en fait, si jamais vous aviez des complications de grossesse, mesdames, j'ai été surprise de ce bienfait-là, mais quand même, écoutez-moi, vous allez voir si ça vous rejoint ou non, parce que, évidemment, c'est pas tout le monde qui a des complications à ce style-là en grossesse, ou en tout cas, hein, je vais pas m'aventurer là-dessus, mais bon. Les résultats d'une nouvelle étude indiquent que la théobromine, c'est une substance chimique qui est présente dans le chocolat, pourrait diminuer le risque d'éclampsie, complication majeure de la grossesse. Plus le chocolat est foncé, meilleur il est pour la femme qui est en grossesse. Ouais. Donc, l'éclampsie, c'est un symptôme précédant l'éclampsie. Puis cela pourrait faire d'élever la pression artérielle chez les femmes enceintes et la consommation de chocolat pourrait diminuer ce risque de 69%. Hey. Quand même, hein? Ouais. Tout ça avec un morceau de chocolat. Ça, c'est comme go. Tu m'y mets gros pas mal ton morceau, mais c'est plus petit que... Genre, elle faisait genre, je sais pas, probablement genre... Moi, je un 6 pouces. C'est ça, je faisais la tablette au complet. L'étude menée auprès de 2300 femmes a permis d'établir que celles qui en tiraient le plus de bienfaits consommaient de 3 à 5 portions par semaine, particulièrement durant leur troisième trimestre de grossesse. Donc, j'imagine que c'est une complication qui, de toute façon, arrive habituellement dans les deux tiers de ta grossesse. Là. La plupart du temps, le premier mois, tout se passe bien. Mais en tout cas, le premier mois, le premier trimestre. Mais quand vous arrivez à votre troisième trimestre, l'éclampsie, c'est quelque chose que vous pouvez voir. Et c'est le chocolat, si vous le dégustez d'un carré par jour, de 3 à 5 fois par semaine, bien, ça peut réduire votre fameuse pression artérielle, madame. Ah! À vous, hein? À vous, il n'y a que des bienfaits, là. Il n'y a que des bienfaits. J'ai pas cherché les mauvais côtés, fait que de toute façon. Hein? Mais on entend souvent dire, par exemple, que si tu manges beaucoup de chocolat, ça peut te donner de l'acné. Oui, oui. Ça peut donner des boutons. C'est pas bon pour la peau. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce qu'on va avoir de l'acné ou est-ce qu'on n'en aura pas? Eh bien, il y a des chercheurs de l'Université Heinrich Heine en Allemagne qui ont exposé des consommateurs de chocolat à un rayonnement ultraviolet et ils ont découvert, au bout de 6 semaines, que leur peau était moins rouge d'une diminution de 15 % que celles et ceux qui ne consommaient pas de chocolat. Mm-hmm. C'est quand même assez... tu sais, on dit tout le temps, tu n'auras pas une belle peau, tu vas avoir des boutons, mange pas de chocolat. Là, évidemment, je tiens à répéter, on parle de chocolat noir. Ma mère. Ta mère, okay. Exactement. Ça. Okay. Elle me dit pas ça comme ça, puis je sais que de toute façon, à ce temps-là, elle m'écoute pas. Bon, good. Parce qu'elle me l'a dit hier. Donc, pour ceux qui pensent que vous allez avoir une mauvaise peau, les chercheurs disent « Nous pensons que certains des composés de chocolat agissent comme filtre anti-UV. » C'est ce qu'explique un des chercheurs qui est William Stahl. C'est lui qui est chef de l'étude. Et au bout de 12 semaines, la peau des mêmes sujets était beaucoup plus dense à 16 % et moins pelée que celle des autres. Ah. Donc, tu sais, exemple, tu attrapes un coup de soleil, ben, tu vas pouvoir peler ta peau assez rapidement. Ou si tu as la peau sèche, mettons, tu vas pouvoir aussi, tu sais, mettons... t'as gratté, puis ça va... Ouais, je sais pas si c'est une bonne chose à faire, mais bon. Ouais, je pense pas non plus, là. Tu sais, on entend souvent dire qu'il faut bien s'hydrater la peau, qu'on soit un homme ou une femme, mais le chocolat, c'est bien fait là aussi, alors si vous aimez mieux le chocolat, ben, allez-y, hein. Tartinez-vous-en dans c'est ça. Quant au soi-disant risque que le chocolat cause l'acné, bien, il y a des chercheurs de l'Université de Newcastle en Australie qui ont passé en revue l'étude à ce sujet-là et ils n'ont rien trouvé qui donnait à penser qu'il pouvait déclencher ce genre de problème. Donc, on l'associe avec peut-être juste à l'âge qu'on mange du chocolat, c'est aussi l'âge où l'acné se développe parce qu'on est adolescent. Probablement. Ouais. Ou, justement, si tu prends du chocolat au lait. Ah! Tu sais, tout ce qui est lait va venir faire certaines petites bactéries. En toute ta peau, le nombre de sucre aussi qui est beaucoup plus élevé. Parce qu'en temps normal, on dit que c'est mieux de manger du chocolat noir parce que c'est tellement amer que tu vas t'écœurer plus vite. C'est ça. Ouais, ça goûte pas le chocolat typiquement, donc ça tombe un petit peu plus vite sur le cœur, je trouve. Ben oui. Ouais. En temps normal, c'est ça le but de manger du chocolat noir. C'est que tu vas avoir à un certain moment, t'auras plus le goût de manger ton chocolat parce que ça va être beaucoup trop amer dans ta bouche. Ouais. Par contre, si tu bois 6 cafés par jour... T'es peut-être habitué à cette chère amertume-là. Ouais. Donc, tu sais, moi, exemple, manger une palette de... Tantôt, je disais que c'est pas bon manger une palette de chocolat noir 85% au complet. Ben moi, j'ai pas de problème avec ça parce que j'aime le goût d'amertume de ce chocolat noir-là. Et j'ai aujourd'hui, mettons, rendu à mes 23 ans, j'ai beaucoup plus de difficultés à manger du chocolat au lait et à apprécier le fameux chocolat au lait que de manger du chocolat noir. Ouais, je te comprends. Ouais. Mais le chocolat blanc, ça vient avec le temps. Avant, quand j'étais jeune, j'aimais pas ça, mais là, de nos jours, j'aime bien. Moi, j'aimais bien le chocolat blanc quand j'étais plus jeune. J'ai un petit peu plus de difficulté, je te dirais, que s'il faisait un petit peu plus amer, peut-être que je l'apprécierais un petit peu un plus. Un chocolat noir blanc. Oui, c'est ça, mais on dirait que c'est vraiment beaucoup trop sucré, puis c'est trop crémeux. Mmh. C'est ça qui m'énerve, le chocolat blanc. Je comprends. Ouais. C'était les bienfaits du chocolat ce matin, donc je vais vous les répéter assez rapidement. Ça a une action sur le moral, une action bénéfique sur le moral, une stimulation du cerveau, la diminution du risque de maladie cardiaque. Si vous avez des complications de grossesse, ça peut être bon pour votre pression artérielle et ça peut être très bon pour votre peau, mesdames ou messieurs. Oui, oui, tout le monde. Et Mathieu, est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de trouver une chanson qui soit comporte le mot ou parle de chocolat? difficile, bon. Hein? Il y a un band au complet qui s'appelle Chocolat, mais c'est pas ce que tu nous as choisi. Non, c'est pas ce que je vous ai choisi. En fait, j'hésitais entre deux chansons, je vais te l'avouer, parce que si tu vois dans le document que je t'ai envoyé, c'est pas la même que celle qu'on va passer. Non, c'est ça. Mais celle que j'avais choisie, qui était Chocolate de Soul Control, ça faisait un petit peu trop... comptines pour enfants. Alors, j'ai décidé, en fait, d'y aller avec Chocolate du band de 1975. De 1975 avec Chocolate. Miam, miam, miam. Ça m'abandonne, ça me donne vraiment, vraiment envie. À vous. J'ai envie de faire fondre un bout de chocolat sur ma langue. Pourquoi tu me donnes des idées comme ça? C'est toi à la base. Ouais, je suis désolée, c'est vrai, t'as bien raison, ouais. C'est moi à la base. Donc, on a parlé de chocolat aujourd'hui et on parlera d'autres choses une autre fois parce qu'on fait Tania Ganin et Tania tous les matins de semaine à Assemblage Requis. Merci, Tania. Ça fait plaisir, Mathieu. On prend une pause. Au retour, Sébastien F. Gartin et son bulletin Gartin à Assemblage Requis. Restez là. Vous êtes assez fous pour l'écouter. C'est fou, 89. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bonjour à tous, c'est toujours Assemblage Requis en ce mercredi 9 décembre 2015. C'est Taïa Baudin. Avec Mathieu Plante. Toujours aussi enrhumés, nous deux. Donc, faites attention. On a dit à nos chroniqueurs de ne pas trop s'approcher. Non, en effet, j'ai mis une chaise de distance entre les chroniqueurs et moi. Et deux sacs de pastilles. Et comme deux ça, sacs de pastilles au cas où. Les ongles des pastilles vont venir empêcher la propagation du virus. T'as trop pris. Envers notre chroniqueur, le premier sur l'émission d'aujourd'hui, c'est Sébastien F. Gertin que voici avec son bulletin Gertin. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous deux. Ça va? Ça va oui, bien? Vous? Oui. Oui, je vais avoir du rhume, bien évidemment. C'est ça, j'espère que tu t'es protégé. Là, quand même. Quoi qu'avoir su que vous étiez enrhumé, j'aurais peut-être choisi un autre sujet. J'ai décidé d'y aller avec de quoi de rough aujourd'hui. Ah, c'est pas grave, on va t'écouter pareil. On peut t'écouter coucher. ça va être dur dans le studio, je pense. Ben, la table est assez grande. Ouais, c'est ça. Ben, c'était encore drôle, hein? On a de la place dessus. Elle est rendue de taille acceptable, non encore de taille idéale, je dirais. Non, c'est ça. Ben, idéal, il faudrait que ça prenne la place au complet, la pièce au complet. Ben, oui. Hey, mon chien, là, de maudit chien. C'est effrayant. On change la table pour nos animateurs. Mais ça c'est la malédiction des gens en philo. On passe notre temps à critiquer, fait qu'on n'arrête pas de se faire traiter de chiot. Ben, c'est ça. Mais c'est la vie. C'est pas nous qui l'avons dit. Non, c'est tout dans le but d'améliorer les choses. Tout le temps, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux encore? Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Parlant de ça. De faire mieux? De faire mieux. Drôle de liaison parce que je m'en allais parler de Guy Turcotte. Quand je disais que j'avais pris un sujet touché. C'est dur à avaler comme ce qu'il a avalé pour tous ses enfants. C'est quoi, c'était du Preston qu'il avait avalé? Non, c'est du lave-glace. Okay. Bref. Bref. Donc, on parlera pas des faits parce que, bon. On l'a déjà fait. C'est quoi. Une couple d'années qu'on entend parler. Donc, juste pour rappeler, par contre, bon, ceux qui savent pas c'est qui Guy Turcotte, sortez dans toute votre roche, ça fait comme 4 ans qu'on entend parler, que tous les gérants d'estrade sur Facebook nous lâchent des affaires que « Pas d'instant là, Guy Turcotte, t'es en liberté! » Bon, ça va un peu s'adresser à ceux-là, d'ailleurs, aujourd'hui. Ah bon, c'est bon d'avoir un public cible. Bon, pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? C'est que c'est revenu d'actualité parce que le deuxième procès de l'affaire Guy Turcotte s'est terminé cette semaine, et... L'ancien cardiologue déchu, je dirais, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. Meurtre au deuxième degré, ça veut dire que c'est un meurtre non prémédité. Ça veut dire que c'est pas préparé, mais il l'a fait. Ouais. Bon, ça, c'est une chose de régler. Pour commencer, puis ça, d'ailleurs, je dois j'ai un certain nombre de choses à dire par rapport à ça. On parlera pas de lui tout de suite. En fait, on va parler de son ex-femme, Madame Isabelle Gaston. Bon, il y avait un article de blog sur le Huffington Post Québec qui m'a un peu servi de début à cette partie-là de mon intervention qui s'est pas amusé, en fait, parce qu'on peut pas dire que c'est amusé, mais a lu certains commentaires, en fait, des commentaires qui étaient apparemment généralisés, ces articles qui traitaient de cette affaire-là, qui disaient qu'en fait, c'était de la faute de Mme Gaston ce qui s'était passé. Ben oui, hey, j'ai vu passer l'article, je ne l'ai pas lu. Parce que je me demandais c'était quoi l'espèce de niaiserie, mais c'était ça le titre de l'article. Ben, c'est souvent ça sur Huffington Post Québec. Ouais. Hein, ouais. Mais en fait, l'article était très bon et l'article critiquait justement les gens qui mettaient ça sur sa faute à elle. En gros, ça revient un petit peu à... T'sais, c'est comme si elle a trompé son mari dans son couple qui allait pas bien. C'est de sa faute si ses enfants sont morts. On entend, là, c'est complètement imbécile. Ça a l'air que... Moi, honnêtement, cette affaire-là m'a touché, mais pas dans le sens que... Pas nécessairement dans le même sens que ben du monde, c'est que étant un ancien étudiant de psycho, puis l'histoire ayant eu un gros parfum de santé mentale, moi, ça m'a un peu affecté parce qu'il s'est dit beaucoup de niaiseries sur le dos de la santé mentale. Ouais. Ça, c'est sur vrai. Quoi, d'ailleurs, je vais revenir un peu après. Mais c'est ça. Dans le fond, la question ici, c'est que ce qu'on a tendance à dire, c'est est-ce que tromper son mari est un crime? Non. Ben non. Je pense que c'est assez évident. Peut-être selon la Bible, c'est un péché, mais... Mais justement, ouais. On dirait que c'est un peu un genre de restant. Puis même sur le fameux article, que si on, quand on lisait, on se rendait compte qu'en fait, ce qui était écrit dans l'article, c'était justement non, cette allégation-là ne se tient pas du tout. C'était beaucoup plus argumenté d'ailleurs que ce que, tu sais, je veux dire, c'était un texte de 800 mots quand 800-900 mots à propos de pourquoi est-ce que, non, c'est pas de sa faute à elle. Mm-hmm. Tu peux pas penser ça. Ouais, c'est pareil comme dire qu'une fille, parce qu'elle se promène en petite mini-jupe, que c'est, non, c'est à cause de sa, c'est sa faute c'est qu'elle ça. Se fait violer. Ben, il y a un gros parallèle à faire. Ouais. Là. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une différence entre les droits et les lois, mettons, d'un mm-hmm. côté, et de l'autre côté, ce qui est la morale. Ouais. Tu sais, un peu les us et coutumes. La morale, il y a des choses qu'on peut considérer comme immorales qui n'ont pas d'affaire à être illégales. Tu sais, c'est un très bon exemple. Tromper son conjoint ou sa conjointe, c'est immoral à la base. C'est pas correct. C'est briser la confiance de quelqu'un. On peut pas dire que c'est quelque chose qui est moral. Non, c'est ça. Ceci étant dit, est-ce qu'on va se mettre à vraiment faire des lois là-dessus? Ça serait un peu régressif. C'est des affaires du monde, c'est pas des affaires du gouvernement et de la loi. Il y a des couples aussi qui sont ouverts, il y a des couples échangistes. Il n'y a pas juste la monogamie dans vie. C'est ça, de toute façon, il y a un paquet de... On s'entend surtout au 21e siècle, les gens vivent un peu plus, un peu moins selon ce que la société leur dit et un peu plus selon ce qu'ils veulent. C'est ça. Mais c'est sûr que c'est la raison numéro un qui a le plus grand nombre de crimes. Tout ce qui est adultère... Les crimes adultères, là, c'est la raison numéro un en Amérique du Nord pourquoi le monde se font tirer ou quoi que ce soit. Les crimes passionnels, effectivement, il y en a. Et la drogue. Ça de plus en plus. Peut-être un peu, Mais c'est ça. Puis je pense, moi, là, c'est peut-être moi qui chire un peu, mais il y a quelque chose de judéo-chrétien un peu là-dedans. Mm-hmm. Tu sais, il y a comme une espèce de réflexe de. Tu sais, Puis en même temps, c'est ça, c'est que regarde, c'est encore un cas de c'est l'homme qui a fait un geste violent parce que sa femme l'a trompé. Puis là, je veux pas tomber dans les grosses affaires, de théorie de patriarcat puis tout ça, mais c'est juste de, tu sais, il y a comme un quelque chose de pris pour acquis à mener, tu sais. C'est comme si ça, comment dire ça, mais sa puissance avait été remise en question puis il a fallu qu'il fasse quelque chose, t'sais. Bon, là, on peut pas rentrer dans sa tête de toute façon, mais tu sais, il y a comme un quelque chose de tout ça, je trouve, qui flotte un peu, tu sais. Puis, ça résonne un peu avec notre société. Puis, tu vois, même sur, comme je disais, l'article, quand tu le lisais, tu te rendais compte que non, c'était une critique de ce point de vue-là, qu'elle avait couru après en quelque part ou qu'elle avait une certaine responsabilité là-dedans. Mais si tu mets ça dans le titre, personne ne va le lire. Il faut qu'il l'écrive de l'autre côté. C'est ça. Mais c'est ça. Puis si tu prêtais attention, il y avait des guillemets. Là. Ouais. Mais tu sais, il fallait y penser. Moi aussi, sur le coup, c'est pour ça que j'ai cliqué dessus. Alors, j'étais comme, voyons donc, y a-t-il vraiment quelqu'un qui va Ben c'est ça, je te l'aime, il y a un journaliste du Huffington Post qui a décidé de dire que c'était de sa faute. Ben, le Huffington Post, c'est ça qui fait. C'est ça, c'est du clickbait. Puis le Huffington Post, justement, tu sais jamais. Tu sais, surtout que c'est souvent des gens pas vraiment avec beaucoup de notoriété qui écrivent là-dedans. Puis tu sais jamais sur quoi tu vas cliquer, tu sais. Puis des fois, tu sais, je veux dire, j'aurais pas été tant surpris qu'il y ait vraiment un article pour défendre ce point de vue-là sur le Huffington Post. Si vous lisez un peu, moi, c'est un peu mon... Il y a du monde qui sait lire les commentaires sur le wall d'Éric Duhem. Moi, c'est les articles du Huffington Post. Mais, tu sais, plaisir malsain, des fois. Mais c'est ça, ce que je voulais en venir un peu avec ça, c'est que c'est ça, tu sais, donc la morale puis les droits, les lois, c'est pas la même affaire. Ouais. Puis le meurtre, c'est une question clairement de droit et de loi, alors que l'adultère, ben c'est une question de mœurs. Par contre, un petit bémol que je vais mettre à ce que je viens de dire là, c'est que peut-être que ses interventions publiques à elle étaient maladroites, parce que assez veut pas un peu mis le spotlight dessus dans cette histoire-là. Bon, moi, à la base, j'ai un petit peu un malaise avec, tu sais, on pourrait dire la victime secondaire, là. C'est un peu triste à dire, mais c'est pas elle qui s'est fait tuer, tu sais. Je suis pas en train de dire que c'est pas grave perdre ses enfants dans un crime violent, là, bien au contraire. Mais c'est sûr que c'est ses enfants qui étaient les victimes primaires de ça, tu sais. Tu sais, le procès portait sur eux autres, le geste qui avait été fait envers eux autres. C'est un peu comme le père de Cédrica Provencher qui était pendant un bout de temps qui était dans tous les talk shows puis tout. Je comprends. Bon, tu vis ta souffrance comme tu peux, je comprends ça, mais c'est vraiment nécessaire de faire ça autant en public comme ça? Je comprends, comme par exemple dans le cas de Cédrica Provencher, il y avait une bonne raison à quelque part, c'est qu'il espérait encore la retrouver, puis il a fait avancer, puis bon, on s'entend finalement, ça, il y a les alertes Amber puis tout ça, c'est entre autres à cause que lui, il a autant poussé ça. Ouais. Il a contribué à ça, là, à faire se rendre compte aux gens qu'il y a des enfants qui disparaissent, que c'est une base régulière. Mais ça reste... Moi, j'ai un petit peu de malaise quand j'ai l'impression que quelqu'un essaye de faire vivre son deuil à toute la province au complet. Ah, je suis d'accord avec ça. Ça m'achale un peu. Mais bon, tu sais, ça, c'est une affaire qui, à part dire ce que je viens de dire là, je pense pas qu'on peut aller bien plus loin que ça. Le problème avec ça, c'est que ça, les avocats de la défense lors du premier procès s'en sont donnés à cœur joie là-dedans parce que eux autres, ça faisait bien leur affaire. C'est que, bon, un procès au criminel comme ça, c'est entre le défendeur, dans le fond, la personne qui est accusée, et c'est entre l'accusé et ce qu'on appellerait la couronne, c'est-à-dire la société dans son entier en tant qu'institution. Quand on dit la couronne, ça, c'est un autre restant de notre allégeance à la reine. Mais ça serait comme aux États-Unis, si je me rappelle bien, ils disent « against the people ». Ils disent carrément comme ça. Contre le peuple. C'est ça. Puis, ils ont réussi, les avocats de la défense, ils ont joué la game de transformer ça en procès, à place de transformer ça en procès Turcotte versus la société couronne. Québécoise, mettons, ou la couronne, qui est le terme officiel. Ils ont transformé ça en Turcotte versus Gaston. Fait que déjà là, ça partait ce qu'on pourrait appeler un sophisme de l'homme de paille, c'est-à-dire que tu transformes un peu la thèse opposée à la tienne pour la rendre plus facile à réfuter, et c'est un peu comme ça qu'ils ont eu un genre de gain de cause. Apparemment, moi je suis pas tant au courant de tout ça, mais de ce que j'en ai lu, entre autres dans l'article de Patrick Lagacé qui était hier dans la presse, si ma mémoire est bonne, à ce sujet-là. C'est des avocats quand même assez réputés. C'était deux avocats, je pense que c'est deux frères même à part de ça, qui ont fait la défense au premier procès, qui sont très habiles apparemment, puis qui ont joué avec ces affaires-là un peu. Puis c'est ça qui a fait qu'il y a eu une drôle de sentence au premier. Il y a eu un drôle de jugement au premier. Mais il n'y a pas un moment aussi entre le premier et le deuxième procès où justement son ex-femme s'était fait dire par certains avocats d'arrêter de sortir à la télévision. C'est pas impossible. Mais ça, j'avais lu ça quelque part parce que justement, ça venait mettre des... pas des preuves et non de l'appui, mais ça venait donner des points justement à la défense pour qu'ils puissent réfuter différemment. Ben j'ai pas vu ça passer, mais je serais pas surpris en fait, moi, surtout avec ce que je lisais là-dessus, j'avais pas eu n'étant pas en droit, puis je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais en lisant ça, je me disais, ben effectivement, tu sais, c'est probablement ce que j'y aurais dit. Arrête. Calme-toi. Ouais. Tu sais, oui, pète ta coche, mais pète la poutre devant 40 000 journalistes. C'est ça. C'est pas une bonne idée. Donc, de toute façon, là, je l'ai pas trop cassé de sucre sur son dos non plus, quand même à la base quelqu'un qui s'est fait. Qui a perdu ses enfants dans un crime violent. Fait qu'on. Je veux pas trop y en mettre sur le dos non plus. Mais bon, comme je disais, il y a eu un drôle, en tout cas, le mot est drôlement choisi. Mais de jugement pour le premier procès. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont refait un deuxième procès. Il a été commandé par la Cour d'appel parce que, premièrement, la jurisprudence avait changé pour ce qui était de la défense pour santé mentale. Puis, il y a une grosse affaire. Ce qu'il y a probablement, puis là, je me base un peu sur Patrick Lagacé. Ce qui a fait pencher la balance cette fois-ci du côté du meurtre, de la culpabilité de meurtre plutôt que de la défense de santé mentale, c'est que, comme l'a fait remarquer, c'était l'expert qui avait été commandé par, je sais plus quel, je pense que c'était par la couronne carrément, même pas pour parler de l'analyse de la personnalité ou des troubles possibles que Guy Turcotte avait, mais plutôt pour parler du fameux trouble d'adaptation. Ouais. Qui était ce qui avait été dit, dans le fond, qu'il y avait un trouble d'adaptation. J'ai bien aimé comment est-ce qu'il a dit ça. C'était le docteur Blow, si ma mémoire est bonne, si j'ai bien noté, en fait, qui est un psychiatre. Lui, ce qu'il disait, il dit « trouble d'adaptation, en gros, c'est à peu près à la psychiatrie puis à la santé mentale en général, ce qu'un rhume est à la santé physique. Ouais. » Okay. Trouble d'adaptation, je veux dire, des fois, tu te prévois un voyage à long terme, ça peut te donner un trouble d'adaptation. Tu sais, c'est une peccadille. Là, c'est rien. Tu commences une nouvelle job, tu vas en avoir un trouble d'adaptation un certain temps. Tu vis une espèce de stress, puis à la limite, tu peux avoir un peu de déprime ou de différents sentiments négatifs. Ça ne fera pas tuer quelqu'un. C'est ça, ça ne fera jamais tuer quelqu'un. Je veux dire, tu ne vas pas avoir de la chimio parce que tu as un rhume. C'est le même principe. Vous seriez dans le trouble présentement si c'était le consentement. Hein, c'est pas mal ça à date. Là. Donc, c'est ça, puis faut faire une distinction avec ce qu'on va appeler de la psychose puis des troubles de l'humeur. Psychose, c'est quand on dit que quelqu'un n'est pas apte à se rendre compte que le bien et le mal, c'est qu'il y a une perte de contact avec la réalité. Quand c'est quelqu'un qui, à base, est... Comme Magnota, mettons. Ouais, Magnota, c'est plus dans ce registre-là. C'est ça. C'est qu'il y a, vraiment. Il y a comme un. Tu sais, ça vit dans le monde imaginaire. Tu sais, l'extrême de la psychose, c'est les schizophrènes, que là, il n'y a plus de contact avec la réalité quand ils sont en crise, pas en tout. Ils vivent dans un rêve permanent. Puis ça, c'est par degré en dessous. Puis quelqu'un qui est complètement en contact avec la réalité, qui est parfaitement lucide. Qui est parfaitement lucide. Puis là, tu as tous les degrés en dessous. Là. Psychose, d'ailleurs, c'est très touché parce que justement, c'est avec l'imagination de la personne un peu en quelque part. Fait que des fois, ça peut être dur à déceler, mais il y a des moyens quand même. Oui, en fait, une psychose, c'est comme si c'est ton cerveau qui sécrète exactement la même sécrétion que la morphine puis tout ce qui est la grosse drogue dure. Fait que c'est comme si tu étais en permanence gelé. Ouais, mais c'est plus que ça même, c'est que t'es ça dépend à quel degré que t'es, c'est ça exactement. C'est en fait, si tu regardes le cerveau de quelqu'un en ce qu'on appelle une phase active de schizophrénie là, c'est-à-dire vraiment le bout de ce qu'il hallucine là, mais vraiment solide là. Mm-hmm. Tu sais qui voit plus pantoute tout ce que toi puis moi on voit mettons. Tu mets le cerveau d'une personne dans cet état-là avec à côté d'une personne qui dort puis qui est en train de faire des rêves là, dans la phase du sommeil qui rêve, puis c'est pas mal semblable. Ah, c'est ça. C'est pas juste d'être gelé, c'est pire que tu rêves, parce que c'est même pas dans la réalité. Ça, t'es pas juste gelé, t'hallucines en plus. Il y a vraiment des. Fait que c'est ça. Ça, c'est de la psychose. Fait que tu peux te dire, il y a des formes de psychose que t'es quand même capable d'interagir avec le monde, mais tu comprends pas ce qui arrive. Puis ça, c'est relativement commun avec, avec les meurtres violents. D'ailleurs, les cas qui vont plaider la santé mentale puis tout ça, ou ne pas être apte à son procès, ça va souvent être des choses comme ça. Ou sinon, c'est de la démence, mais encore de la démence, c'est la vieillesse qui endommage le cerveau puis qui donne une sorte de... une forme de... Le résultat, c'est des symptômes peut-être qui peuvent ressembler à de la psychose un peu. Il y a aussi les troubles de l'humeur. Ça, c'est l'autre affaire. Ça, c'est la dépression, bipolaire, ces choses-là. Généralement, les pulsions suicidaires, ça va arriver dans ce genre de troubles-là. Là, c'est vraiment... l'humeur, c'est un peu ce qu'on pourrait dire. C'est comme la... C'est pas tant qu'on voit pas bien le monde, mais c'est plutôt notre jugement sur le monde, on pourrait dire. Là, j'essaie de faire un peu un parallèle. C'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu plus diffus, l'humeur. C'est vraiment avec les sentiments. Ouais. Puis comment qu'on se sent, vraiment. Mais tu sais, quand je dis dépression, je pense un peu tout le monde a une idée de c'est quoi. J'espère. Ça, c'est le trouble de l'humeur. Fait que c'est ça qui peut mener à une tentative de suicide. Un trouble d'adaptation, c'est apparenté un trouble de l'humeur, mais ça en est un extrêmement faible. Donc, peut-être sur le coup, je suis pas en train de dire que sa tentative de suicide avec la vite, c'était peut-être sur le coup, il a comme tellement pas su comment réagir avec ce qu'il venait de faire, que là, peut-être que c'était la seule affaire qui faisait du sens à ce moment-là dans sa tête, mais de faire un truc comme ça. Mais c'était pas quelqu'un qui, mettons, qui aurait pu présenter un risque suicidaire là, sur le long terme. Donc là, c'était mon cours de santé mentale 101. Parce que, bon, il s'est dit beaucoup de niaiseries sur le jugement de santé mentale. Puis moi, dans le temps, en fait, je l'avais jusqu'à un certain point défendu, ce truc-là. Pas parce que j'avais pas eu les détails d'eux, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que, santé mentale, c'est comme la manière de s'y prendre pour pas aller en prison, tu sais. Puis, Pense que ça se fait tout seul, mais il faut quand même que tu passes devant une galerie de médecins. Puis, c'est ça, tu sais. Puis peut-être qu'effectivement, étant lui-même médecin, il y a peut-être une longueur d'avance pour peut-être un peu plus dire ce qui. Mais tu sais, il y a eu un paquet de choses qui est rentré là-dedans. Il y a eu le fait que ses avocats ont été habiles. Il y a un problème qu'on a au Québec aussi avec le système de justice, c'est que les experts, comme les experts en santé mentale, entre autres, dans ces cas-là, mais des experts dans un paquet de choses, sont pas commandés par le juge. Okay. Ils sont commandés par la défense puis la couronne. Les avocats, exactement. Fait que chacun commande son expert, puis là, c'est une affaire qui a pas d'allure qu'on fasse encore au 21e siècle, tant qu'à moi. C'est que là, en dedans du procès, il se fait un procès des experts. OK, ouais. C'est-à-dire, là, c'est la bataille, parce que c'est clair que si... Parce que, tu sais, on a accès aux preuves de l'autre. Fait que si la défense commande un expert sa santé mentale, c'est clair que la couronne va en commander un aussi. Puis ils vont en commander un, ils vont commander une expertise qui va faire leur affaire, bien entendu. Ah oui, évidemment que c'est ça. Fait que là, c'est lequel des deux experts qui est le moins tapon, puis là, ça vire en procès des deux experts, c'est lequel qui a raison. Ridicule. Ce qui est pas très, très brillant, alors qu'à d'autres endroits, dans le monde, c'est vraiment le juge qui dit « Non, on veut faire une expertise ou on va en demander un certain nombre pour être sûr de notre shot. » Puis, on va venir le présenter, mais ça ne sera pas un des deux qui va l'avoir, ouais, exact. Va l'avoir commandé. Ça ne sera pas tendancieux. Il va en avoir un ou il va avoir un comité à la limite. Mais ça va être quelque chose qu'on va être plus sûr qui ne sera pas partisan. Biaisé, ouais. Surtout quand tu tombes dans la santé mentale, veux pas, il y a toujours une partie d'interprétation là-dedans. Oui. C'est pas un diagnostic comme de dire « Ok, t'as une tumeur à cette place-là. Ouais. » C'est pas noir. Santé mentale, c'est plus diffus, c'est tout le temps plus touché. Tu sais, de dire « T'as un trouble psychotique. » Mettons, t'as une déconnexion avec la réalité, c'est une affaire. Mais après ça, aller dire « T'as quel... » Dans le DSM, là, ça, c'est la bible de la psychiatrie, qui est pas, bon, il est pas parfaite. Il y a du monde qui le surnomme le pamphlet pour les compagnies pharmaceutiques. Mais bon. Ben, ouais. Puis il est mis à jour même, une fois de temps en temps. Il est mis à jour aux 7-8 ans à peu près. Ouais. Là. Mais il y a beaucoup de recherches derrière ça quand même. C'est ce qu'il y en a qui trouvent que la recherche est un petit peu biaisée du bord des compagnies pharmaceutiques. Mais ça, c'est tout un autre débat sur lequel on n'a pas le temps de passer aujourd'hui. Mais bon, là-dedans, c'est pas, y a pas de troubles psychotiques. Il y a un chapitre, ces troubles psychotiques. Il y en a plusieurs sortes, justement. Comme je disais, il y a la schizophrénie, les psychiatres. Je ne connais plus par cœur, mon bac en psycho est loin. Mais bon, c'est ça peut être beaucoup de choses. C'est ça, il faut faire attention. On n'est pas, je veux dire, j'ai un bac là-dedans, puis moi-même, je me dirais pas expert d'un... Ouais. Même en lisant le jugement, puis en lisant les affaires, je suis pas sûr que je serais capable de vraiment faire « Ah ouais, tu sais, c'était une bonne expertise, ça n'était pas une. » C'est pour ça que dans le temps, j'ai pas aimé ça, le monde qui était comme « Ah, oh, c'est bien, il a plaidé ça juste pour pas se retrouver en prison, puis tout. » Regardez, c'est quoi qui fait un bon procès à un moment donné? C'est-tu parce que vous aimez ça, ce jugement-là, puis que ça vous défoule, ou parce qu'il s'est basé sur des faits, puis la procédure a été faite comme du monde, puis il y a eu des preuves, puis on a hors de tout doute raisonnable, prouvé que, bon, le résultat auquel on en est venu. Mais moi, j'ai honnêtement un petit peu de difficulté avec ça. Tu dis de pas nécessairement... penser comme ça, je suis d'accord, j'ai pensé souvent comme ça, là. Ils ont lâché, mettons, santé mentale simplement pour pas qu'il aille en prison, mais à quel point est-ce que tu peux la lâcher, celle-là? C'est, comme je disais, c'est un cas particulier parce que le fait qu'il est médecin, peut-être que ça a un peu aidé, mais généralement, c'est dur à plaider cette affaire-là à base, parce qu'il faut que tu aies deux experts quasiment qui le disent que tu l'as. C'est que c'est tellement rendu compliqué que oui, il y en a beaucoup qui vont, exemple pour des crimes passionnels, là, prenons pas Guy Turcotte, mettons en théorie là, ou en exemple, mais n'importe qui d'autre qui en ferait un va aller essayer de le plaider parce que c'est la sortie qui est possible puis qui est la plus facile à faire de nos jours. Mais c'est ça, c'est que là encore, c'est pas si facile. Mais c'est sûr qu'on est porté par comparaison aux autres façons. Exact. Ouais. C'est que là, c'est quand tu fais un calcul stratégique, puis que, tu sais, un crime passionnel, en général, quand tu te fais prendre, t'as les mains sales pour de vrai. Ouais, c'est pas une figure ça. De style. Fait que, oui, peut-être que des crimes passionnels sont plus portés à le plaider, parce que, Colin, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? C'est ça. Faut bien qu'il plaide quelque chose, puis... fait que, tant qu'à dire, ben oui, coupable, puis c'est tout, puis tu t'essayes. C'est ça, tu t'essayes. Là encore, effectivement, c'est un problème que ça soit peut-être facile comme ça, mais c'est pas... Puis ça, j'ai... Mais je suis d'accord avec toi que c'est pas si facile que ça, parce que t'as quand même plusieurs expertises qui rentrent en ligne de compte par après. C'est juste... On dirait que c'est tellement une facilité pour les gens de faire un crime puis de dire « Ah ben, je l'ai fait parce que, tu sais, j'étais dans une phase ou, tu sais, je filais pas » ou justement, tout ça, cette porte de sortie-là est tellement rendue connue que n'importe qui pourrait l'utiliser. Tu peux pas juste être coupable pour être coupable. C'est plus ça. Mais je vais te mettre une nuance là-dessus. Ouais. C'est que n'importe qui peut s'essayer de l'utiliser. C'est ça, exact. Mais c'est que ça, d'ailleurs, c'est une... C'est plate, j'aurais dû le garder en plus parce que j'avais justement du quoi là-dessus. C'est souvent dans les crimes qui sont beaucoup plus médiatisés que c'est essayé. Fait que c'est pas qu'on a l'impression que Colin, il plaide tout ça. Ouais. Mais c'est justement, c'est ça, les gros crimes passionnels, ces affaires-là, c'est ça qui fait de la grosse nouvelle crunchy. Fait que c'est ça qu'on entend le plus parler. Fait qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais c'est un peu un biais, en fait. C'est encore la faute aux médias. Là encore, là-dedans, un mot t'as dit. Tout le temps, les médias. Tout le temps, la faute à Rouge FM. Toujours. Mais c'est ça, c'est souvent, ils s'essayent souvent, effectivement, dans ces cas-là. Mais ces cas-là, c'est pas une si grosse, de toute façon, c'est pas une si grosse proportion de tous les crimes qui se font puis qui passent en justice. Mais c'est sûr qu'on en parle le plus, par contre. Oui, je suis d'accord. Mais sur le point que moi, où j'ai comme de la difficulté, c'est le fait de dire, est-ce que justement parce que tu as un problème de santé mentale, ça veut pas nécessairement dire que t'es pas coupable? Non, c'est ça. C'est qu'il faut que ça soit un problème. C'est pas juste d'avoir un problème de santé mentale. Parce que sinon, tu pourrais dire, OK, ben je file pas, fait que ben j'ai fait des niaiseries, tu sais. C'est pas ça. C'est pour que la défense de santé mentale passe, c'est pas juste qu'il faut que tu aies un trouble qui aille jusqu'à un certain point, créer ça, faut que le trouble fasse que tu te rends pas compte de ce que tu fais, des conséquences possibles de ce que tu fais, puis c'est déjà beaucoup plus dur à c'est là, j'ai l'impression que élevé, des fois là. Les gens ils font pas la différence, tu sais. C'est qu'ils vont voir tout dans le même bateau, mettons. C'est ça, tu sais. C'est que rendu là, faire l'amalgame entre la santé mentale en général, n'importe quel trouble de santé mentale, puis des troubles de santé mentale qui peuvent, de manière justifiée, servir de base à en fait, c'est une non-culpabilité pour cause de santé mentale, dans le fond. Parce que la culpabilité, c'est une question de volonté derrière ça. Tu sais, c'est un peu ça, c'est que c'est la question de volonté derrière ça. Ouais. Tu sais, t'avais-tu la volonté de faire l'acte que t'as fait qui a donné le résultat que ça a donné, tu sais? Mais là, tu l'as fait pareil. Tu l'as fait pareil, mais c'est ça. Mais pour dire vraiment que t'avais, tu te rendais pas compte de ce que tu faisais, c'est pas juste un trouble de santé mentale dans la vie. C'est un peu, là, on en revient un peu à la comparaison que je disais tantôt. Ouais. C'est un peu comme mêler un rhume puis un cancer généralisé. C'est un peu la même affaire. Fait que, c'est déjà des tu sais, je disais, la santé mentale, c'est touché. Ça, c'est sûr que tard après les faits, ça peut être plus dur à évaluer, surtout dans le cas de quelqu'un qui a pas un trouble. Parce que en santé mentale, il y a. Là, je vais pas trop faire de théorie non plus à matin, là, mais c'est qu'il y a plusieurs sortes de troubles, puis souvent on va les séparer, entre autres, en deux catégories, c'est-à-dire les troubles qui sont permanents. Puis c'est vraiment pas le terme technique, là. Mais mettons les troubles qui sont permanents, comme des troubles de personnalité, des trucs comme ça, puis des troubles temporaires. Puis quand que c'est à cause d'un trouble qui est permanent, on pourrait dire, ben c'est relativement facile à déterminer, même si t'es souvent plusieurs semaines et plusieurs mois après les faits. Quand que c'est quelque chose de temporaire et de transitoire, tu sais, des psychoses brèves, ça existe. Ouais, c'est plus difficile. C'est plus touché. Puis c'était un peu, d'ailleurs, c'était un peu ça qui est arrivé dans le cas Guy Turcotte, c'est qu'il disait, ah, c'était une genre de psychose temporaire. C'est pas ça pendant tout qui est arrivé, là, dans le fond. Puis ce qui avait, entre autres, ce qui avait été dit, c'est qu'il avait fait une genre de psychose qui avait été induite par le fait qu'il avait calé de l'alcool éthylique ou méthylique, je me rappelle jamais c'est laquelle, mais en tout cas, c'est la sorte d'alcool qui te buzz trop. Là. Ouais, dans t'sais, le. C'est pas l'alcool qui est dans la bière, le fort, puis tout, là, c'est de l'alcool de justement, là, de l'alcool à friction, puis du. Du peroxyde. Ouais, c'est ça. T'sais, ça, c'est que ça burn pas mal plus. Mais c'est ça qui est arrivé d'ailleurs entre les deux procès, entre autres. Pas longtemps après que le premier procès de Guy Turcotte soit terminé, il y a eu un autre jugement, puis là-dedans, ça avait été assez clair. La question était vraiment portée sur quand, parce que là, c'était quelqu'un qui avait commis un crime en ayant pris des... je sais plus c'était quoi, je pense que c'était des amphétamines, puis ça l'avait fait halluciner, puis ça y avait fait poser des gestes violents à cause de ça. Puis là, ce qui avait été clairement ressorti, la question, ça avait vraiment été... Dans le fond, est-ce que son crime, ça a été de prendre cette drogue-là, ou dans le fond, il était déjà déconnecté, c'était avant, plus de sa faute. Puis là, ce qu'ils ont dit, c'est que non, si tu prends des médicaments qui te mettent dans un des médicaments ou n'importe quoi qui te met dans un état à ne pas savoir ce que tu fais, t'es quand même responsable, c'est à toi de pas le faire. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est là que ça, oh là, ok, ça a changé de quoi par rapport à Guy Turcotte aussi. C'est ça, c'est pour ça qu'on est. C'est pour ça que là, il y a eu le deuxième procès a été commandé par, je pense que c'est ça, c'est la cour d'appel, pour dire non, on va refaire le premier procès parce que là, il y a de quoi qui a changé dans la loi. En fait, je viens de dire quelque chose de faux. C'est pas que ça l'a changé, c'est de la jurisprudence. C'est-à-dire que c'est une manière d'interpréter la loi. Parce que dans le fond, les procès, c'est la base même du procès, c'est de regarder ce qui s'est passé avant, ce qui était déterminé avant pour donner le verdict. C'est ça. La façon que ça fonctionne, c'est que, bon, on est sur le système britannique un peu jusqu'à un certain point là-dessus. Le système britannique fonctionne un peu par cas, dans le sens, on a des lois très générales, puis après ça, la job des juges, c'est d'interpréter ces lois-là. Puis, un des outils pour interpréter ça, bien sûr, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, mais il y a aussi ce que d'autres juges ont décidé avant, puis ça, un jugement de la couronne, c'est entre autres ça, c'est de dire, bon, OK, le juge se base sur telle affaire. Puis là, en fait, la décision finale, c'est les jurés qui le donnent, mais le juge va expliquer, bon, en vertu de telle chose, bon, il y a eu tel cas en telle année qui ont fait telle chose. D'ailleurs, les avocats aussi font ça. Les avocats vont arriver et disent, en telle année, il y a eu tel jugement. Ce jugement-là ressemble au cas présent pour tel facteur. Il y a tel facteur de différent, mais on pense que ce facteur-là est moins important. Puis, tu sais, c'est beaucoup ça, la job en justice. C'est pour ça, les avocats, c'est une fraction de leur temps qu'ils sont en train de plaider devant un cours. La préparation d'un... surtout d'un procès émotif comme ça, c'est long. C'est de la job. Ça me permet de revenir un peu sur la traque que j'avais tantôt. C'est que un bon procès, c'est pas un procès qu'on va être d'accord avec ce que ça finit. C'est un procès que toute cette job-là a été faite, que les experts ont été entendus, que on a respecté, on a vraiment suivi la loi puis tout ça. Puis c'est entre autres pour ça que la justice va admettre des fois que, OK, on a peut-être fait une bourde avec celle-là, on va le refaire. On va le refaire différemment, tenant en compte les affaires qu'on avait peut-être pas pensé à tenir compte dans ce temps-là. Puis j'en viens au dernier grand point que je voulais aborder, c'est les gérants d'estrade. Oui. Parce que c'est une formule qu'un de mes amis avait lâchée dans le temps que j'ai trouvé vraiment bonne. Ça s'appelle le système de justice et non le système de vengeance populaire. Ah, oh, tellement. Si un fait vous fait vous sentir pas bien dans la vie, vous avez pas vous êtes pas une victime de ce fait-là pour autant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand on voit le monde sur les... Surtout, on s'entend les réseaux sociaux, ça permet beaucoup ça, le monde qui s'énerve le poil des jambes. Avec pas grand... Là, on devrait le pendre par les couilles, puis... Non. Ouais. Arrêtez ça. C'est pas... Le but de la justice, c'est pas de vous faire vous sentir mieux. C'est pas toi, à la maison... Ouais, c'est ça. ...de te faire sentir mieux. Le but, c'est de rétablir la justice parce qu'il y a eu une injustice de commise. Il y a eu, dans ce cas-là, des jeunes vies qui ont été perdues pour une raison imbécile. Puis c'est de faire justice en punissant la personne coupable de ça. Donc, moi, ce que j'invite à faire à tous ces gens-là qui ont tendance à toutes les fois qu'il y a un crime violent, à faire un long statut Facebook de ce qu'ils feraient parce que le système de justice est donc sweet avec ces gens-là. Parenthèse d'ailleurs, quelqu'un qui a fait un truc comme, tu sais, en prison, raison, là, les gens, ils ont les nouvelles, hein, by the way. Un dude comme Guy Turcotte qui rentre en prison, là, parce qu'il a tué deux enfants, il là. Va manger une moyenne volée c'est sur le long terme. Puis là, il est là longtemps, en plus, je pense. Ouais, là, minimum de 10 à 25 ans. On s'entend, si on dit ça à 25 ans, ils vont y en paraître probablement 50 parce qu'il va manger une volée, il se fera pas aimer la bouffe. Puis ça veut pas nécessairement dire que sa demande rendue à 10 ans va être acceptée si jamais lui décide de sortir. T'sais, si jamais il demande à pouvoir sortir en libération, mais ça veut pas nécessairement dire qu'elle va être acceptée non plus. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais il va sortir dans 10 ans de toute façon. » Non, ça veut pas nécessairement dire ça. Ça veut dire qu'il va avoir le droit de faire la demande. Ça veut pas dire qu'elle va être acceptée. Là. Il a quand même tué deux enfants. C'est ça. Puis ce qu'il faut garder en mémoire aussi, c'est que au fédéral, Harper, il était un très grand défenseur de non, les libérations conditionnelles, on enlève ça puis tout. C'est pas pour rien que ça existe. C'est le plus grand outil des gardiens de prison pour garder l'ordre. Exact. Parce que le jour qu'on te dit, toi, t'es ici jusqu'à temps que tu meurs. Mais pour de vrai, là. Ouais, en prison à vie, mais pour de vrai, là. Tu fais ce que tu veux. Ouais, tu fais ce que tu veux. Pourquoi tu te comporterais bien, tu sais? Ça, puis il y a ça d'un côté. Puis deuxièmement, c'est que la punition, c'est une affaire, mais il y a la réhabilitation dans la vie. Quelqu'un comme Guy Turcotte peut-il être réhabilité? Ça, c'est toute une question. Mais clairement, il y a des gens qui sont en prison présentement que faire une longue peine, c'est pas nécessairement la chose la plus efficace pour la société. Puis surtout, on le sait, un prisonnier dans un pénitencier fédéral, ça coûte cher. Ça coûte cher à la société. Fait que, tu sais, ça, c'est un peu une obsession sécuritaire des dernières années. Tu sais, pendant la campagne électorale, moi, je me suis fait du fun avec des amis. On s'est fait une espèce de discussion, puis j'avais monté un espèce de truc de tout ce que les partis proposaient. Puis je pense que j'en avais même parlé un peu ici, là, au début de la session. Puis une des affaires, tu sais, les conservateurs disaient « Nous autres, on est tough on crime, tu sais, des plus longues peines. » Tu sais, puis en même temps, ils se plaignent qu'on n'a donc pas d'argent pour rien. Tu sais, c'est parce que c'est quand même assez démontré dans la littérature sur le sujet que ce qui est payant pour tout le monde dans tous les cas, c'est pas de mettre des plus grosses peines. Quand tu commets un crime, clairement, c'est parce que tu penses pas à long terme. Tu penses pas à la prison qui s'en vient. Tu sais, la plupart des criminels, il y a certains troubles de personnalité qui portent à être criminels, puis ça... Une des parties de ça, trouble de personnalité, quand je dis trouble de personnalité, c'est quand je parlais des troubles permanents, tantôt, là. Troubles mentaux permanents, c'est un peu ça. Puis les troubles de personnalité qui sont portés sur la criminalité, un des éléments typiques, c'est que c'est justement des gens qui ne voient pas les conséquences des actes. Ouais. Sans dire, tu sais, je veux dire, dans le sens, tu sais, voir les conséquences, pas comme une déconnexion à la réalité, mais ils ne pensent pas à long terme. Ils ne pensent pas à long terme. Ils ne pensent pas aux conséquences à long terme de leurs actes. Ils ne pensent pas que la justice va les rattraper. Ils pensent tout le temps qu'ils sont. Il y a aussi le fait de penser d'être invincible aussi qui rentre là-dedans. Puis d'avoir un problème avec l'autorité. Là. La plupart du temps, ces gens-là n'aiment pas l'autorité. Puis ça, ouais. Il y a un paquet de choses comme ça. Ben, c'est parce que quand tu te penses un peu beaucoup indestructible, l'autorité, ben, tu ne comprends pas trop. C'est comme tu ne comprends pas, c'est ça. C'est ça. Tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, l'autorité? Peut-être qu'elle t'arrête, pas te mettre en prison après. Oui, exact. Mais c'est ça, pour revenir à mes amis les gérants d'estrade, moi, ce que j'ai le goût de leur dire, c'est si ça vous énerve tant que ça, la violence faite aux enfants et ou la violence faite aux femmes et ou toutes ces choses-là, ben il y a des maisons pour femmes battues, il y a des centres d'hébergement pour un paquet de sujets reliés à ça, fait que je vous invite à faire du bénévolat, à faire des dons à ça, au lieu de vous défouler sur Facebook. Ah, je suis d'accord. Vous allez aider au lieu de... Ah, mais donner son temps, hein, au lieu de chialer, bien souvent, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Ouais, c'est ça. Puis si le problème, c'est de l'agressivité, ben mettez-vous au yoga, Colin. Méditation. Ouais, c'est ça. Un sujet, ouais, comme t'as dit, touché, un sujet lourd un peu. Sujet lourd un peu, ça manquait de maths jeu de mots plantes. Ah, ben, moi, ce matin, je suis là que pour allumer les micros. Hein? Donc, je voulais faire un jeu de mots de Guy Turcotte, mais j'imagine que ça a déjà été fait. Sûrement, probablement. Me semble que ça fait très Guillaume Lepage comme jeu. C'est vraiment mauvais, ouais. Guillaume Lepage de RBO, là, on s'entend. Là. Ouais. Pas Guillaume Lepage de Tout le monde en parle. Du présent. Ouais, mais je pense que c'est bien quand même d'en avoir parlé. Ben oui. D'avoir fait certains raisonnements et d'avoir laissé notre auditoire savoir. Et oui, et de remettre en question les pensées de nos auditeurs sur Facebook. Si je peux me permettre même de faire une conclusion un peu dans le même sujet, c'est que je pense que d'en parler comme ça, puis de s'informer, puis d'avoir les vrais faits, là, parce que je pense qu'on est rendu là, je pense que c'est plus apaisant que justement se défouler sur Facebook. Mm-hmm. Parce que là, t'écris, tu garoches ton agressivité sur Facebook, puis c'est pas nécessairement une réaction anormale, mais c'est pas nécessairement la réaction qui va le plus t'aider dans la vie, parce que là, tu défoules sur Facebook, là, t'es bien content de ton affaire, tu te trouves bien fin, t'as trouvé une couple de métaphores, t'sais, de trucs imagés, puis tout. Puis là, ben là, il y en a d'autres qui vont te répondre là-dessus. Là, il y en a qui te craignent de ton bord, puis il y en a aussi qui vont te dire, mais ça n'a pas d'allure ce que tu dis là. Puis, fait que là, ça te craint encore plus. Fait que c'est comme, tu sais, c'est un peu une genre de. Un engrenage. Un genre d'engrenage à mener, puis je pense que, tu sais, bon, là, je trahis le fait que je suis en philo, mais tu sais, l'apaisement par la raison, je pense que c'est quand même quelque chose de pas si niaiseux que ça. Puis, au bout du compte, ça fait peut-être qu'on va peut-être prendre des meilleures décisions collectives en général si on se met à, peut-être, quand il y a quoi qui nous écœure de même, informons-nous avant de péter notre coche. Je suis d'accord. Tellement bien dit. Merci à toi, Sébastien Gertin. On te retrouve dans Zone Campus dans une semaine. Voilà, mardi prochain. Oui. Et Assemblage Requis toutes les semaines, les mercredis à 8h. Ok, oui. Merci Sébastien. Merci à vous. Au retour, Google Globe avec Frédéric Bernard. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Écoutez-nous en direct sur le web cfou.ca. Vous êtes assez fait. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Ah, bon retour à ce marathon enrhumé d'Assemblage Reiki. En ce mercredi 9 décembre 2015, c'est Nathalie Abaudin. Avec Mathieu Plante. Oui, Mathieu Plante qui vient juste de tousser juste avant d'entrer en onde. Mm-hmm. Et tu sais, quand ça fait un petit moton de... Ouais. C'est ça que ça donne. Ouais. C'est le fun. Mais comme on a dit, on était là, toi et moi, aujourd'hui, juste pour accueillir une chroniqueur. Sinon, on serait probablement pas venu. On serait probablement pas ici. On est passé à deux doigts de ne pas venir ce matin. Mais comme on avait Sébastien Gertin et Frédéric Bernard, on n'avait pas le choix. On voulait nous-mêmes entendre leur contenu. Tellement passionnant. Mais on les trouve bons, nos chroniqueurs. C'est pour ça. Tu sais, hier, on s'est permis de ne pas avoir d'émission un petit peu. On n'avait pas de chroniqueurs. C'est hier. Ça, on n'avait pas de chroniqueurs. Fait que là, pensez pas qu'on est allé couper du monde hier. Non. On l'a pas fait ça. Absolument. On a coupé dans nos chroniques à nous et on les refera une autre fois parce qu'on va finir plus tard que les étudiants à l'émission. Fait que. Ça devrait. Il y en a qui seront. Ouais, même ça, en tout cas. Bref, peu importe. C'est le moment d'accueillir Frédéric Bernard. Juste là. Le voici, le voilà. C'est Google Globe. Et pendant l'introduction de la chronique de Fred, Tania a pris une passée bucklée. J'en ai pris une pendant la pause. Ah et non, là... j'ai pris une strepsil. Okay. Parce que les bucklées sont vraiment dégueulasses. Ouais, non, ah ouais, c'est pas bon les bucklées. Oh, t'en veux-tu une juste pour tester? Ah ok, moi écoutez. Pendant ta chronique. Médicalement, c'est sûrement une très bonne idée de prendre des passées quand t'as pas le rhume. Je vais essayer de prendre un moment où je vous lance dans une conversation à deux pour la manger. Puis quand vous allez revenir, je vais réagir là-dessus. Elles sont plus grosses qu'on pensait. Les bucklées, ouais, c'est parce qu'il y a du petit jus dedans. Ben, c'est vrai, là, mais même sur l'emballage, il n'y a pas de l'air bon, le petit jus. Ah, non, je vois pas quoi tu parles, vite, mais ça va pas. C'est très bon, c'est là qu'ils cerisent. Miam. Je sais pas où ils prennent la cerise, Buckley's, mais bon. Bref, Fred Bernard, c'est Google Globe. Chaque semaine, tu poses une question à Google. Oui. Tu essaies d'y répondre. On n'a jamais tout le temps le. Bon, on n'a jamais tout le temps. Ça se dit pas, ça. Ça arrive qu'on a des réponses, mais c'est ça, des fois, non. C'est rare. C'est pas la réponse qu'on veut, c'est des réponses, mais c'est pas la réponse. C'est ça. On veut voir ce que Google nous propose par rapport à ça, parce que Google est un génie, est un savant qui peut nous aider dans tout et nous répondre à tout. Alors, on teste Google en quelque sorte. Ben alors, voilà le grand test. Ça fait 12 semaines là, que je cherche une manière de présenter ça. Je trouve que c'est la meilleure façon. Tu l'as eu, là? Oui. Ouais. Écris-le, va réécouter la chronique, retape ça, puis fais-toi un petit post-it avec le résumé de ta chronique. Que mon travail est fait que je vous quitte. Puis là, il y a un hélicoptère qui arrive, puis je pars. Peut-être. Ou sinon, d'ici la semaine prochaine, tu vas pogner notre rhume, puis tu seras pas là. Hein? Ah! Non, parce que la semaine prochaine, je réserve une surprise, mais je vous en parle après, fait que c'est sûr que je suis là pareil. Si t'es là. Fait que même si j'ai le rhume. Tu vas la faire par téléphone. Oui, exactement. Ok. En fait, en tout cas, je vous en reparle. Ok, on va rester sans fête avec nous. Peut-être. Hein? Oh. Oui, ah, c'est ça. Pas. Je fais, en fait, je vous l'ai pas dit, je fais une émission complète Google Globe, là, 3 heures de temps. Ah, c'est ça. C'est un gros marathon. J'ai hâte. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? C'est ta chronique numéro 12, comme tu l'as dit. Exactement. Alors, dans le fond, moi, j'étais tout part toujours d'une situation de vie. Et la semaine passée, c'était une situation assez particulière. Je me retrouvais avec plusieurs projets en même temps à naviguer dans plusieurs activités. Pourtant, il n'y a rien qui fonctionnait comme je voulais. Alors, ça t'arrive-tu, Mathieu, quand ça... Mettons, aujourd'hui, ça t'arrive-tu que ça marche pas? Mettons, là, d'habitude, quand il y a une affaire qui marche pas, il y a rien qui marche. Mais quand une chose va bien. C'est tout le temps, tout en même temps. C'est tout le temps par moton, un peu comme c'est vrai, t'as ma morph dans le... Ben voilà, il y a une chose, moi, la semaine passée, qui marchait pas, donc j'ai dit, mais... Comment résoudre ça? Je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Parce que comme tu le dis, après ça, tout, ça fait comme boule de neige. Oui. Alors, j'ai posé la question à Google, pourquoi ça ne marche pas? Oh, la question! Mais oui. Hein? Mm-hmm. Fait que c'est pourquoi là qu'on sait si Google est un grand sage. Donc, alors, dans les pages 1 à 5, je dois vous dire que les résultats que j'ai trouvés avec cette question-là, j'ai fait un peu le tri, j'ai gratté beaucoup la question pour trouver des choses qui étaient plutôt intéressantes, si on veut. C'est si le fun dire que ça tu choisisses des choses intéressantes pour nous. Oui, je fais ça juste pour vous. Ça serait une autre émission, je prendrais pas les choses intéressantes. Laquelle, donc? Je sais pas, j'ai pas d'autre type d'émission. Moi aussi, je pourrais dire des affaires sur des émissions, mais je... Parce qu'on aime tout le monde. Oui, une émission à Radio-Canada, je sais pas, oui, c'est plus lourd, fait que je disais pas nécessairement c'est fou là, tu sais, une émission assez fou. Mais non, Caroline. Mais moi non plus, en fait, je voulais pas dire ça. Oui, ils m'ont fait naître. Ils t'ont fait naître. Oh, oui. C'est mignon. Hein? C'est cute. T'étais dans un œuf au début de la session. C'est ça. En fait, au début de l'hiver passé. Fred, il a fait. Oui, Fred. Non. Fred. Oui, Fred. Oui, oui, Fred. C'est mon nom. Fred. C'est ça qu'il a fait. Comment t'as fait? Comment t'as fait ça? Je vois pas ta bouche, t'es caché derrière le micro. Je poserais la question... Sa langue sur ses dents. À Google, comment Tania fait ça? Comment Tania fait ça? Puis on va voir les résultats qui sortent. Non, je suis pas sûr que tu dirais... Mais on pourrait avoir beaucoup d'explications. Ouais, peut-être. Donc, bref, alors, je me suis retrouvé avec beaucoup de... bizarrement, on dirait que, vu que la question était assez floue, je me suis retrouvé avec beaucoup de choses de l'actualité, très répétitive. Donc, c'est pour ça que j'ai gratté beaucoup les choses. Là-dedans, hein, c'est ça? Non, à ce moment-là, c'était pas... j'étais encore dans les Syriens, moi, à ce moment-là. T'as préparé cette chronique-là il y a deux semaines. En fait, au début de la semaine passée... au début de la semaine passée. Donc, c'est, on dirait que ça a comme pas sorti en même temps. Bref. 1 à 5. Bon, ça va vous donner une idée à quel point j'ai gratté. Fait que j'ai trouvé un Facebook. Juste pour vous dire mon descriptif dans le PDF, j'ai marqué « Facebook, dépression et patate ». Ouais, attends, pis... comment? Facebook, dépression et patate. Oui. D'accord. Je suis dessus, puis je cherche les patates. Oh, l'image. C'est un monsieur patate. Oh. Oui. Ben, c'est pas un monsieur patate qu'on reconstitue là, jouet. Là. C'est vraiment c'est une patate. Là, une patate avec des bras, animée. Pis, ouais. C'est ça. Ben, en fait, le Facebook sur lequel je suis tombé, je vous ai mis le lien pareil, mais c'est juste parce que je veux que vous me croyez à chaque fois que je mets les liens. Pas nécessairement parce que c'était intéressant d'aller dessus. Mais c'est. Je suis tombé sur une page Facebook avec des commentaires comme si ça marche pas. Ben ça marchera jamais, fait que reviens-en, décroche, puis arrête donc de t'estiner. Fait que tu sais, tu fais comme bon, hein, tu sais, quand t'as besoin de te faire remonter. Est-ce que je peux en lire un? Parce que de toute façon, il y en a juste trois. Oui, c'est ça, il n'y a même pas de contenu. C'est ça, le 10 mars 2010, ils ont posté quand rien n'y fait, qu'on essaie, qu'on réessaie, cela ainsi de suite, mais que ça ne veut pas fonctionner, il faut à un moment donné se rendre à l'évidence, ça ne marchera pas à chaque essai, c'est que ça ne marchera pas tout court. C'est une patate pleine de joie de vivre. C'est ça qui est ça. Donc, je suis tombé là-dessus, je trouvais ça un peu absurde, fait que je l'ai mis. Fait que... C'est très absurde parce qu'ils n'ont rien posté depuis 2010. Non, c'est ça. Ah oui, si tant que ça. Ouais. J'avais pas vu la date. Je savais que ça faisait longtemps, j'avais vu les mois, mais pas la date. Ah ben, Caroline. Bon ben, ils m'en voudront pas. Puis il y a seulement 36 personnes qui aiment la page. C'est quand même rassurant. C'est rassurant. C'est moins que nous autres, par contre. Ouais. On a plus que ça, nous autres. Oui. Ensuite. Moi, je saute de même. Ben je oui, pense quand il n'y a pas de contenu. Là. vous rappelez-vous des quand vous avez appris à marcher? Non. C'est, ben là, franchement, si on s'en rappelle... Ben là, je sais pas, peut-être que tu peux m'annoncer quelque chose. Ben, t'as bien plus jeune que moi pourrait s'en rappeler. Là, franchement. Ben moi, je m'en rappelle, mais... Toi, t'es vraiment jeune. On rappelle, t'as 12 ans. Oui, exactement. Les gens le savent pas, mais t'as 12 ans. J'ai une petite barbichette qui est en fait collée avec du scotch tape. T'as réussi à te faire pousser quelque chose. Oui, c'est ça, à 12 ans. Mais le chest est encore pur. Oui, exactement, et le restera probablement longtemps. Malheureusement. Oh. On postera des photos. Ouais. je vais pas remettre ta vie en question comme ça. Donc, j'ai trouvé un lien, en fait, qui nous parle des enfants qui apprennent à marcher. Je me suis dit, s'il y en a que ça les intéresse, c'est très, très détaillé. Ceux qui n'ont pas encore très appris, vont pouvoir peut-être... Oui, exactement, ouais. Des enfants... Hey, d'après vous, c'est à quel âge qu'on apprend à marcher, qu'on est supposé savoir marcher? Avant un an, non? 6 mois. 6 mois? J'irais 9 mois. Hein? Hein? Quoi? 6 mois? Tu viens-tu de lire ça? Non, mais on a fait un quiz avec Stéphanie à un certain moment. Oui. Puis elle disait que la réponse à la plupart des questions, c'est 6 mois. C'est... J'ai pas vu venir. Concernant les bébés, 6 mois. 6 mois. Et mon Dieu, parce que moi, j'avais 2 ans. Fait que pendant un moment, tu m'as fait peur. J'ai cru que j'avais mal lu mon article. J'étais là, mon Dieu, c'est si tôt que ça, 6 mois. Ah, c'est 9 mois en passant. Ah, t'as trouvé? Oui. Mais non, je suis sûr que c'est 2 ans. Veux-tu te lise? Vas-y. Cet apprentissage commence vers 9 mois. Non, j'ai dit à quel âge tu marches, là, dans le fond. À quel âge tu marches, là, un enfant est supposé comme savoir marcher. OK, parce que l'apprentissage est l'étape finale d'apprendre à savoir marcher. Mais non, c'est comme... C'est comme... en tout cas, j'ai pas d'exemple, certains enfants ne marchent pas avant l'âge de 16 ou 17 mois. Fait que si tu t'es rendu jusqu'à 2 ans, c'est 24 mois, c'est vraiment tard. Tabarouette, là. Ouais, loser. Je te jure que j'ai vu 2 ans. Attends, je vais ouvrir le lien, je vais chercher ça. Fuck off les autres, les autres liens. T'as pas ton journal intime de l'époque, genre parce que t'as appris à écrire avant d'apprendre à lire? Ma mère tenait un journal. Je viens de comprendre où qui a pris ça. Okay. Vers 2 ans. tous les enfants sont maintenant de petits marcheurs enthousiastes. Ah, bon, d'accord. Regarde! Voilà. Vois? Fait qu'ils disent pas à 18 ans, à 18 mois. mais l'article continue en disant « Mais Frédéric Bernard est quand même un loser. » Oui, c'est ça. Il y a quand même une photo. Mais oui, ma mère, je sais pas si vas-y, elle, sujet elle, vers le complément. Oui, c'est ça, voilà. Je sais pas si elle tenait ça, vous. À quel âge un enfant apprend à parler, savoir si je suis en retard, là, dans le fond? Attends, parler, c'était pas 14 qu'on avait dit avec Steph? Ça se peut. Mais en tant qu'animateur radio, je pense que je parlais dès le premier jour. Hey, attends, là, oui. C'est tough. 9 il mois. Résonnait, moi, je dis 9. En essaim. OK, attends, comment? Non, j'ai lâché une joke, mais il n'y avait plus rapport parce que Tania a dit d'autres choses après, okay. Fait que ça a comme fait... Tu sais, comme tes jeux de mots. Merci. Mais vas-y. On parle de parler comme des phrases complètes, là. Oui. Phrase complète. Un an et demi. Mais là, je suis dans l'approximatif parce que l'article n'était pas du tout là-dessus. Fait que j'ai aucune idée. Je posais la question de même. Fait que je sais pas si j'ai pas de réponse, en fait. Non. Si vous avez une réponse, textez-nous. On va chercher pour l'instant, là. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que bref, dans le fond, c'est un article qui parle des enfants qui marchent et qui nous met en garde. Je l'ai lu en je l'ai pas vraiment lu en diagonale. J'ai lu une grande partie, puis à un moment donné, je me suis mis à le lire en diagonale. Tu l'as lu en rampant. Oui, exactement. Alors, c'est un article vraiment détaillé là-dessus, les enfants qui marchent et qui nous disent « Attention, ça, je savais pas, mais le truc qui aide les enfants à marcher, qui est un rond puis qui ressemble à des béquilles, mais en rond. » Ouais. Non, c'est pas clair, hein? Non, pas tant, non. Les enfants, ils tiennent là-dedans, puis ils sont comme soutenus par ça, puis ils peuvent marcher, puis... Oui, l'espèce de petit véhicule... Ah, l'espèce d'affaire qui... Oui, c'est ça. Bon, ben, à ce que paraît, c'est super dangereux. Ah, c'est tout. Pourquoi? Ben, il disait qu'il y a eu plein de blessures, là. Ah, mais faut pas leur laisser faire des flips, là. Faut mettre un peu de tension là-dedans. Ben oui, c'est ça. Faut pas le partir en haut des marches, puis espérer. Non, c'est ça. C'est pas parce que ça s'appelle le slinky. J'ai trouvé les étapes. Entre 1 et 5 mois, bébé babille. Bébé babille. Entre 6 et 9 mois, le bébé met en place ses consonnes, comme babababababa, puis papapapapapap. Entre 9 et 15 mois, bébé prononce son premier mot. À partir de 18 mois, bébé fait des phrases. À 2 ans et demi, les mots outils apparaissent. À 3 ans et plus, le langage est constitué. Et après ça, là, ils vont commencer à parler. Pourquoi? T'as commencé à parler à quel âge, toi? J'en ai aucune idée. Tu nous as posé la question parce que tu disais que ta mère disait que t'avais appris tant. Bon, ben, prochaine chronique, j'emmène ma mère. Prochaine chronique, on amène toutes nos mères. Puis on pose la question, qui est Frédéric Bernard? Moi, je vous le dis, à la fête des mères, on fait ça. On apporte toutes nos mères, puis ils vont faire à notre place. Nous, on va juste leur dire à l'oreille quoi dire. Tellement. Oh, c'est bon, de vrai. Ça pourrait dérailler encore plus. Oui, c'est sûr. Ma mère m'écoute généralement en montant à Shawinigan. Salut, maman. Donc, voilà, le message est lancé. Ma mère est quelqu'un d'assez gêné. Ma mère aussi. Fait que ça serait vraiment drôle. Ça va être malade. Et on s'excuse à la mère de Fred de l'avoir traité de loser, on le pense pas pour vrai. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai même pas commenté. C'est pas vrai, votre fils était intelligent. Oui. Ah, qu'est-ce que tu viens? Aimez-vous l'austérité? Moi, je lance ça de même. Si on aime l'austérité, t'as demandé? Oui. Je sais pas, non. Je dirais, je sais pas. Ouais, non. En fait, si vous avez répondu oui, vous êtes louche, parce que même ceux qui prône des régimes d'austérité vont vous dire qu'ils aiment pas ça. C'est pas parce qu'ils aiment ça qu'ils le font, c'est parce qu'ils veulent le faire. Non, c'est ça. Ben, tu sais, en fait, c'est un régime, c'est une façon de penser. Bref, je me lance pas là-dedans. Diète. Oui, c'est ça. Celui dont le chroniqueur qui est avant moi, dont le nom m'échappe, c'est Gartin. Sébastien F. Gartin. Ah ouais, c'est ça. J'avais juste Gartin en tête. Ben, Sébastien aurait dû rester pour qu'on puisse en parler plus en détail, j'imagine. Mais on a juste 30 secondes par sujet, genre. Exactement. Ben oui. Fait que, ben, j'ai trouvé un lien sur l'austérité, fait que le devoir qui dit précisément pourquoi ça marche pas. Ah! Mais c'est le devoir. En même temps, je me dis... Ils ont fait le devoir, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais le devoir, on sait que c'est un journal qui a pas tendance très beaucoup vers la droite. Non. Ben, en général, de ce que je sais, je parle peut-être, en tout cas... Non, je pense que ça a le sens. Oh, en tout cas, ça... Ouais. Textez-nous pour nous le dire. C'est une chronique à compléter par... Oui, c'est ça. C'est un cadavre exquis comme chronique. C'est une chronique cadavre exquis. Chronique exquise. C'est ça. Fait que c'est vraiment l'austérité. Pourquoi ça marche pas? Et je trouvais ça, en même temps, la réflexion que je m'étais faite, je trouve ça étrange en ce moment que deux parties qui sont libérales, finalement, au fédéral ou au provincial, ont une idée complètement contraire là-dessus. Mais bref, je lance ça. Le débat est lancé. Mais je sens être seul à vouloir ouvrir le débat, fait que je vais continuer. Mais c'est parce que attends. On a de la misère à focusser aujourd'hui. Oui, il y a ça à cause du rhume, mais aussi j'ai de la misère à débattre sur un sujet que je connais pas, moi. Ah! C'est pas mon genre de partir à argumenter si je connais pas le sujet. Ben, c'est une grande qualité, je trouve. Fait qu'on va s'informer, puis on va te revenir quand nos mères vont animer. dans le fond, la semaine prochaine, tout ce que ça va faire, c'est que vous allez toutes me sortir. Bon, ben voilà, toc. Et voilà. La semaine passée, on parlait d'enfants. Voilà à quel âge il marche. Voilà à quel âge. Il babille. Bébé babille. Je pense que c'est un régime constitutionnel qui apporte. toi, tu fais des bruits de langue, moi, je fais des bruits de crash de la mort dans un clinique. Tout le long de l'émission. Bon appétit. Ben oui. Les affaires. Ben oui, mon Dieu, tu fais des liens. Le devoir, les affaires. Exactement. Fait qu'on passe du devoir aux affaires. En fait, c'est un site qui dit... Attention, le titre, c'est « Pourquoi ça ne marche pas? » Pas mal le même que le tien, ça. C'est la réponse, la question que t'as posée. Non, tiens-tu un? Mais en fait, c'est mal fait comme titre. Le titre, ça devrait être « Pourquoi... » Genre entre parenthèses ou avec des trémas. Des trémas. Ne marche pas. Et pas. T'sais, ça. En fait, c'est le pourquoi qui ne marche pas. Je vous explique. C'est compliqué, hein? Parce qu'elle, j'imagine qu'elle explique qu'il faut pas se demander pourquoi dans la vie. En fait, presque, tu es proche. Deuxième option, non. Non, parce que pourquoi est-ce que le mot « pourquoi » n'est pas le mot à poser pour avoir une... Je sais pas. Oui, mais Mathieu était proche. Merci. Ouais, Mathieu était proche. Dans le fond, c'est pourquoi un gestionnaire, quelqu'un qui est dans le domaine des affaires et qui doit gérer une entreprise, ne doit pas utiliser le « pourquoi » dans ses questions à ses employés. Voilà. Je vous rappelle que de toute façon, la semaine passée, on avait... tous les noms m'échappent, moi, dans la vie. Donne des indices. Oui, le richissime personnage qui est parti de la Silicon Valley que j'ai parlé de la semaine passée. Le double qui a fait Tesla. Solar, Tesla, tout ça. Attends. Lui. Musk, mais Elon Musk. Musk. Dans le fond, on savait que lui, de toute façon, il ne posait pas de questions à ses employés. Ses employés venaient lui proposer des problèmes et des solutions en même temps. Ouais. Alors, parce que sinon, il les mettait à part. C'est un boss demandant, ça. Mais oui, un chic personnage. Ben oui, dans le fond, il y a un article qui explique qu'il ne faut pas, lorsqu'on gère une équipe, qu'on est vu comme le patron, poser des questions de pourquoi, parce que ça attaque la personne. Ah. Alors, pourquoi ça remet en doute la crédibilité? Ça remet en doute la personne dans ses choix. Donc, préférez des questions autres que celles-là. Donc, je trouve ça. Tu réponds juste par oui ou par non. Oui, c'est ça. Veux-tu aller manger? Oui, pas tout de suite. On peut pas lui demander pourquoi, par contre. Pas. Non, c'est ça. Pas. Oublie ça. Fait que, dans le fond, c'est un article qui explique tout ça. Je me suis dit qu'on tenait un article qui expliquait comment nos boss fonctionnent avec nous. Donc, on en tient un. Fait que je vous le laisse pour. Son blog s'appelle Gestionnaires inspirants. Oui. Ça a l'air plate, là. Puis ça a l'air d'une gestionnaire inspirante. Oui. Qui a l'air plate, là. Qui a l'air plate. Isabelle Laure. Et donc, on va être jugement. Ah, mais non. J'ai jamais fait ça dans cette chronique-là. Ah, moi non plus. Sujet, je vous l'ai dit, j'ai gratté beaucoup, mais là, je me suis retrouvé dans des sujets plus touchés. Ouais. Je vous lance ça, je vous dis pour ça que ça intéresse, parce que j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était intéressant, mais je me lance pas là-dedans. Pas de débat, là. Non, pas de même débat. Même si on veut débattre. Non, trop touché. Quelqu'un que c'est un débat sur est-ce que les banques alimentaires, ça marche ou ça ne marche pas. Je vois ça plutôt intéressant, parce qu'on a le point de vue des deux dans l'article. C'est un article de la presse. Je pense qu'on peut s'y fier. Puis elle met des Gatorade dans une boîte. Oui, on le voit sur la photo. Oui. Est-ce que je peux juste donner une couple de statistiques, mettons? Oui, aucun problème. OK. Le coût moyen d'un kilo de bœuf haché. Hein? Un prix. Voyons, moi. Le prix moyen d'un kilo de bœuf haché en 2000, ça valait 3,90. Si là, regarde pas l'article, en 2015, combien tu penses que ça vaut? 7, 6, 7, 8. 12,96. Oh. Depuis 2000, ça a monté tant que ça? Ouais. Mais voyons là. Un prix moyen d'un pain. Pas supposé ça, mais en 2000, 1,31. 2015? 3 piastres. 3 piastres. 126% d'augmentation. Mais en même temps, là-dedans, c'est que oui, l'alimentation augmente, mais elle a toujours augmenté de ce qu'on voit dans les supermarchés. Oui, parce que ça dit aussi que l'évolution du salaire minimum était là. Par contre, oui. Comparé à tout les pourcentages. Tu sais, exemple, on parlait du kilo de bœuf haché, c'est plus 232% en 15 ans. Mais l'évolution du salaire minimum, c'est juste de 52% ça, en 15 ans. C'est un système absurde. On augmente le salaire minimum pour que les personnes qui se retrouvent au salaire minimum, qu'on sait qu'ils n'ont pas assez d'argent pour avoir des conditions qu'on considère viables de vie, on l'augmente toujours un peu pour essayer d'atteindre cet idéal-là. Mais en même temps, les supermarchés qui vendent justement ce qui te permet d'avoir une condition de vie vont augmenter leur prix, mais beaucoup plus rapidement. Je ne sais pas si je mettrais la faute sur les supermarchés. Non, mais c'est tout le en fait. Les producteurs. Oui, parce que ce n'est pas le supermarché qui décide ça. Lorsque l'essence monte, il peut y avoir certains produits, beaucoup de produits qui sont importés, qui vont augmenter. C'est normal en même temps, ça coûte plus cher les emmener. Ouais. Fait que ce n'est pas nécessairement relié à l'aliment. Si l'aliment commence à avoir une pénurie, qu'on a une mauvaise saison, ben on va avoir, mettons que la Colombie qui nous fournit en fraises, ben si elle a une mauvaise saison de fraises, ça se peut que tes fraises coûtent beaucoup plus cher que l'année passée. Ouais. Fait que, mais voilà, c'est tout ce que je sais sur le sujet. Voilà. Mais c'est triste. Laisse-moi penser à chaque affaire que tu disais, je faisais une référence à ta blonde. Oui. Puis là, j'y mettais des affaires sur le dos, puis je me demande si t'es encore avec, parce que le prochain article a l'air Oui. Difficile un peu. Là. Oui. En fait, est-ce que t'as des choses à nous dire? Ouais. Ben, je profite du temps d'antenne pour... ça serait du lot. Ça serait du lot. Si c'est pour dire que tu l'aimes en ondes, ça va. C'est pour dire, je vais passer chercher mes boîtes tout à l'heure. Non, c'est ça. C'est un peu moins fun. Oui, dire, m'a préparé tes boîtes tout à l'heure. Ça serait plus... Prochaine activité de couple, est-ce qu'on fait des boîtes ensemble? Oui, c'est ça. Ah, tu veux qu'on déménage? Non, toi, tu déménages. En fait, l'article qu'on parle, que personne ne comprend en ce moment, c'est que c'est... 5 clés pour se remettre d'une rupture difficile. Ouais. C'est un peu kitsch. Ouais, un peu. Ouais, hein. Vous avouez, quand j'ai lu ça. Ça a l'air féminin en maudit comme site, ça, je trouve. Vrai, je suis d'accord avec vous, messieurs. C'est ça s'appelle Psychologie, couple, crise, divorce, séparation, / articles et dossiers, / rupture amoureuse, / 4 comprendre pourquoi ça ne marche pas. Ça, c'est le nom du site. Point com. Non, ben oui. Oui. Sur psychologie. Messieurs. Hein? Il faut simplement accepter la souffrance. Est-ce que c'est comme les trucs de pour accepter la mort, là? Le deuil, ça ressemble à ça. Honnêtement, ça ressemble beaucoup à ça parce que, gars, première étape, accepter la souffrance. Deuxième étape, gérer le manque. Ouais. Là, je change de page. Troisième étape, j'essaie de descendre. Comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et voilà. Sortir de la répétition amoureuse et prendre le temps de faire son deuil. C'est un deuil, c'est la même chose. Puis la photo, c'est une fille couchée sur le côté. Qui pleure. Ben. Elle a pas de gros potes de crème glacée, par exemple. Non. Mais... elle pleure pas vraiment. Non. Le regard livide. Oui. Je pense qu'elle a pas réussi les 5 clés, en fait. Elle est à une autre étape. Elle est à l'étape 0, je pense. Oui, elle a juste pris des choses. Oui, étape, je ne sais pas encore, dans le fond. Elle a eu une grosse veillée hier soir. Elle est allée boire. Elle n'a pas encore accepté la souffrance. Ouais, oui. Mais ça nous est tous arrivé d'avoir des grosses ruptures comme ça. Et c'est tous ces gens-là qui viennent nous donner des conseils qu'on a le goût sur le coup de dire. Ben, en tout cas. Qu'est-ce que tu as tes enfants? Elle va faire tes boîtes. C'est ça. prochain article, je vous lance une petite devinette. Ok. Hein? Fait que clique pas parce qu'on peut avoir la réponse. Okay. Que, clique vas-y. Pas. Ouais, non, vas-y, mais vas-y, tu peux regarder parce que dans le fond, il y a un bouton, c'est marqué réponse. Faut pas que tu cliques dessus. Là, non, non. Tu gâches tout, Tania. Devinette. Alors, ok. Préparez-vous, là. Qu'est-ce qui a 4 pattes, mais qui ne marche pas? Là, le lien avec la question qui est pourquoi ça ne marche pas. Okay. Et je le corrige, 4 pieds. Pas 4 pattes. C'est marqué dans la question. Bon, non, mais attends un peu, il y a une différence. Oui, parce que c'est pas 4 pieds de long. C'est pas 4 pieds de long. Mais oui, t'as raison. Continue. Qu'est-ce qui a 4 pieds qui ne marche pas? Pas. Qui a une tête? Tête. Tête. Mais et qu'on passe le corps sur le corps? Le tiers. Le tiers. Même fraction. J'ai une tête, mais je ne parle pas. Je ne parle pas. Comme, vas-y, comme... lis là-dedans, okay. Parce que moi, j'ai pas l'article devant. Je suis pas capable de l'ouvrir. Mais, sérieusement, OK. Parenthèse. Il nous donne une devinette, mais... c'est comme le père fourreau des pauvres. Là, mais c'est qu'il y a une tablette, OK? Mais à chaque semaine, sa tablette, il est pas capable d'ouvrir les sites. T'sais? Ouais. Fait pourquoi est-ce que t'as une tablette? Sac-la ou vidange, je me mets dans la boîte de ton ex. Oui, tu dis, bon. Puis je chip-la avec. Puis achète-toi un autre. Bon, Colin, j'ai perdu ma tabarouette. Mais c'est quoi ta marque de tablette qu'on n'achète pas ça, voilà? C'est une Samsung. Non, je ne créerai pas de... C'est une Windows? C'est une Windows. Ah, stable. Je savais! Je savais que c'est une Windows. Ok, pas la devinette, Matt. Ok, là, c'est pas un fourra, mais pas des pauvres, ok? Ok. Et je ferai pas la voix, parce que je tiens à dire que le niveau de devinette est facile. Oh oui! Bon, peut-être qu'avec mon rhume, je peux faire un... J'ai quatre pieds, mais je ne marche pas. J'ai une tête, mais ne parle pas. On passe le tiers de sa vie sur moi. Qui suis-je? Fait qu'on vous laisse un 10 minutes de réflexion. Ok, 4 pieds me marchent pas, une tête me parle pas, on passe le tiers de sa vie sur moi. Tête d'oreiller. Ben c'était l'oreiller, le vrai. Mais t'as pas 4 pieds? 4 pieds. Un lit? Un lit. Un lit. Ah, pied, une tête des de lit? 4 pieds, 4 pattes de lit, une tête de lit, on passe le tiers de... Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Lit! Yeah! Ouais! Bravo! Ok, prochain lit. Vraiment! Combien de pastilles t'as pris, Tania? Je pense que c'est ça. Go home, you're drunk! Je pense qu'il y a de l'alcool dans les bâclés. Fait que je... J'ai jamais rien gagné dans ma vie. Fait que là, de devinette, niveau facile, ça m'a rendu bien heureuse. Mais il y a des petits plaisirs comme ça qu'on ne refuse pas. Hey, mesdames et messieurs, j'ai sauté de ma chaise et j'étais vraiment contente. Oui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, elle était vraiment très contente. Vraiment. Je suis bonne pour aller à vol 920 avec leurs énigmes. C'est des énigmes à vol 920. Oui, ça a beaucoup changé, Mathieu. Change ton jugement sur vol 920. J'ai jamais écouté, fait je peux pas juger. Hein. Moi, l'écouter, j'ai un ami qui le fait, moi. Pour vrai? Ouais, j'avais un ami qui était dedans. C'était qui? C'était Charles, en fait. Ah oui, l'année dernière. Oui. Il s'appelait Charles, maintenant il s'appelle Charlotte. Exactement, ça l'a traumatisé. Charles, en tout cas, il était appelé Charlot dans l'émission. Fait oui, que, je me souviens de lui. Fait que, donc, voilà. Oui, il t'a fait longtemps. T'es fin. Il était aimé de beaucoup. Oui, écoute, on dirait un hommage parce qu'il est mort. Il était fin. Il était drôle. C'était un bon Jack. C'est une personne qui était importante dans ma vie. Charlot Charlotte. Bon, suffit l'ignorer. Bref, il est humoriste et il tente de percer. C'est un excellent humoriste. J'ai fait de la pub volontairement parce que c'est un bon ami à moi. Cool. Hey, on dirait une joke de cancer. Il est humoriste. Oui. il fait des meilleures jokes que ça. Merci. Mais... Il nous reste quoi? 20 minutes avant de s'en aller, Tania? Oui, à peu près. Mais là, je vais vous l'étoffer pour vous. Là, je vous les comble. Merci. Alors, tu combles les vides. Alors, 5 à 10, parce que oui, on était juste dans 1 à 5. 5 à 10. Alors, GM qui ne veut plus être sur Facebook. Ah. Alors, parce que eux, ils disent que ça marche pas, Facebook. Ben, c'est parce que les gens disent la vérité sur Facebook, puis les gens disent que les GM explosent depuis des décennies. Pour vrai, les GM, c'est reconnu comme compagnie que leurs chances explosent. Je connais pas beaucoup ça, alors je ne sais pas non plus les rumeurs, je ne peux pas confirmer. Je peux juste mais si dire, on utilise tout le temps des Suburban dans les films là, pour faire exploser, là, c'est sûr ça explose tout le temps. C'est tous des GM dans les films. Ils devraient faire ça, ils devraient avoir un partenariat avec GM, puis tous les chars qui explosent, c'est des GM. Ben là, ça serait pas une bonne publicité. Là. Non. Okay, c'est next. Pour ça que ça marche pas. Mais dans Facebook, dans le fond, ils disaient que ça ne marche pas. Ils expliquent une façon de faire de la publicité, ce qui est une bonne publicité pour n'importe qui. N'importe quel produit, voilà. Et GM, dans le fond, je veux juste en retrouver, voilà. C'est quand même 10 millions de dollars qu'ils mettent pour Facebook. OK, fait que dans le fond, ils vont arrêter de faire de la publicité sur Facebook, mais ils vont rester, j'espère qu'ils vont garder une page ou au moins... Ben oui, il y a des pages, mais ils ne font plus de publicité du tout là-dessus et c'est 10 millions qu'ils sauvent. Eh ben! Quand même! C'est cher, hein? Vraiment cher! Ouais. C'est cher! Ben très bref, cher. Ça m'a juste étonné. On crie à l'injustice. J'ai juste lu une affaire, je trouvais bizarre. Là, je sais pas, j'attendais. En fait, quand on lit en diagonale, des fois, il arrive un problème qu'on fait... Hein? T'sais, pour vous expliquer un peu comment je fais mes chroniques, des fois, je lis en diagonale et ça fit beaucoup. Alors, t'sais, tu mets 2-3 mots, tu fais comme... Ah, OK, ah, je comprends quand l'article est très long, souvent que je fais ça. Donc, on lit en diagonale tout. Et des fois, on lit en diagonale et on n'a pas le choix de lire l'article parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Comme là, par exemple, l'article, je vous l'ai dit, c'est sur le constructeur GM. Et en lisant en diagonale, j'ai pogné la phrase « Petit film rigolo pour la télé et horoscope ». Ah. Ah. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que lire en diagonale, c'est mal. Alors... Et lire sur une surface de Windows Microsoft, c'est encore pire. Et je ne suis plus capable de récupérer ma chronique. Ah! Alors voilà! Hey, vends ça! Vends ça! Bon! Hey! Microsoft! Est-ce que tu l'as, là? Oui, je l'ai! Je l'ai! Alors, voilà, le prochain article. Merci, Tania, qui me met plaisir. L'article devant. Moi, je vais arrêter d'essayer de les ouvrir. Je sais même pas comment tu fais. Ça fait... C'est 12 chroniques que tu fais. Avec oui, mais ça fonctionnait ça. Très bien. C'est là que ça veut pas marcher. Ils disent tout ça. Mais oui. Ça marchait bien avant, mais là, ça fonctionne plus. En tout cas, en direct à la radio, c'est tout le temps comme ça. Tout le temps. Oui. Tout le temps. Les pièges d'un régime. Avez-vous déjà fait des régimes? Avez-vous tenté des... Ben, des si régimes? Par régime, tu parles de, mettons... régime alimentaire. Une rupture amoureuse qui fait que tu manges un repas par jour et demi, mettons. Ça c'est un régime, mettons. Oui, oui, oui. Ben, ça m'est arrivé. C'est un régime involontaire. C'est ça. Ouais, c'est pas mal le seul régime, ouais. Ah! As-tu marché? oui. Et aussi, j'ai beaucoup marché. Aussi. Ah! Pour ah oui, parce qu'il n'y a pas d'auto. C'est ça. Oui, oui. Mais c'est pour ça, en fait, que j'ai pas d'auto, pour pouvoir ne pas prendre trop de poids. Ah. Ouais, c'est bien, ça. Ça. C'est ça, oui. Ben oui. Toi, Tania, non plus, je sais que c'est un indiscret. Déjà fait l'idée une... Ben, je sais pas, régime. Connu une amie qui a fait ça. Ouais, moi, ouais. J'ai connu quelqu'un. J'ai habité chez... Ouais, vas-y, t'avais l'air d'être lancé, je dirais mon histoire après. Non, c'est pas non, comme non, si c'était ma chronique. J'ai déjà essayé Weight Watchers. Là. Weight Watchers, c'est Oprah, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas très, très... J'aime mieux aller au gym, finalement. Ouais. C'est un beau son. Elle utilise ce son-là pour appuyer ses, oui. ses phrases. Mais dis. C'est le nouveau criquet. C'est comme le point à la fin de ma phrase. C'est ça. Mais moi, j'ai habité pendant une semaine chez quelqu'un qui faisait un régime. Dans le fond, alimentaire et qui suivait, ben, je ne sais pas quel régime tout. Mais on c'est... l'appelait Régime Carrie. Exactement. Yes, bon. mais. c'était très précis, très violent, j'oserais dire, comme ouais, régime. Les gens qui font des régimes, c'est pour ceux qui en ont connu, puis je vous parle de vrais régimes, des personnes qui se lancent vraiment là-dedans, c'est assez intense. Elle avait des stickers sur son frigo marqués « As-tu vraiment faim? » Genre, un gros arrêt, stop, avec une phrase « As-tu vraiment faim? » Voyons donc. Mais t'avais, c'était pas un sticker sur... Non, non, le frigo, il y en avait au moins 20, il y en avait 10 sur la porte d'armoire, t'avais des pensées un peu partout qui traînaient. Tu faisais comme OK. Tu ouvrais le frigo, là, tous les aliments avaient un sticker stop. Ouais, nombre de calories, tout. Oui, ça, le nombre de calories, c'est quelque chose qui si tu fais un régime ou non, en théorie, il faudrait que tu regardes. Faut que tu regardes. Oui. Fait qu'après ça, t'as fait ses boîtes puis il a déménagé. Ça. Exactement. Cette année, là, ça collait partout. Non, en fait, j'habitais chez la personne et c'est ça, je me suis juste dit, un régime, c'est intense. Donc, quand je vois des articles comme ça qui disent les pièges d'un régime, je me dis tabouer que c'est compliqué. Oh, tout un petit accent quand tu dis tabouer. Tabouer. Tabouer, oui. Tal caliente. C'est mon truc, c'est ma base secrète pour rester poli. Fait que je dis des sacs, mais je les dis dans un accent. Ok, ça passe mieux. Donc voilà, alors c'est les pièges d'un régime qui voilà, si vous voulez aller là-dessus, on n'en parlera pas plus. Non. Mais oui, j'ai un autre article lourd, 10 à 20. Alors, un article qui dit en ce moment, la France est dans une grosse crise, on peut le dire. C'est une grosse crise qui vit en France pour beaucoup de raisons qu'on ne nommera pas ici. Tabouera. Oui. J'ai dit qu'on les nommerait pas et je trouve que ça peut faire une référence. Mais. Hey, si tu mélangeais comme l'accent du Moyen-Orient, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. C'est clairement Enrique Iglesias. Ben oui, c'était parfait. Bon, je tiens à me distancer de cet accent. Et donc, c'est un article qui veut, justement, c'est un article qui vise à stopper le FN. Alors, plusieurs personnes qui sortent le FN, c'est le Front National. Ah, ben oui. Le Front National. Le Pen. Oui, Le Pen. Alors, avec la famille Le Pen. Oui, le père, la fille. Le père, la fille et la fille de la fille. Parce que oui. Ah, comment? La fille de la fille? Mais Marine Le Pen, sa fille est aussi en politique dans le FN. Oui, elle a remporté ses élections régionales. On la félicite et en même temps, ça fait peur. Ouais, mais, c'est ça. Oui, oui, oui. Alors, tu sais, je suis pas quelqu'un qui va... en tout cas, ça fait peur. Mais, ça fait très peur, ouais, ouais, non, oui. C'est faut très, savoir très, que... xénophobe et Mais il faut savoir que le Front National, c'est... quand on regarde à l'époque où il était fondé, il était beaucoup plus radical. Dans ses propos. Maintenant, ce qui est dangereux avec le Front National, c'est qu'il On considère, et il y a beaucoup de choses qui les trahissent, même s'ils ne veulent pas le dire, qui sont tout aussi radicales, mais maintenant, ils savent comment le vendre. Oui, comment ils mettre du sucre autour. Mais oui, ils savent comment montrer justement que c'est pas si radical que ça, puis que c'est une position comme une autre, mais ça reste que dans les faits, quand on regarde les positions et quand on gratte, ça reste des positions extrêmement radicales. Oui. Alors, tu sais, on parle beaucoup de Trump, qui veut empêcher les musulmans de venir aux États-Unis. Ça fait scandale, et avec raison. Un badge dessus. Mais oui, tu sais. Mais t'as-tu vu l'article qui... excusez, là. Oui, l'article. L'article qui compare Hitler avec Donald ben Trump. Oui. Mais c'est parce que juste le fait avec les musulmans, comme on dit, tout ce qu'il a proposé de les identifier dans la société, d'empêcher des arrivées, mais c'est parce que c'est exactement comme ça que ça a commencé le régime contre les juifs qu'Hitler a implanté. Et donc, les Japonais aussi. Contre les Japonais aussi, mais les Japonais en même temps, c'est un argumentaire que quand tu vas te retrouver aux États-Unis, qu'il y a moins, qui est plus difficile à faire valoir parce que c'est ce pays-là qui le fait. Oui, c'est pour le Canada puis pour le reste du monde, ça vaut parfaitement comme. Mais c'est beaucoup moins percutant que quand tu compares ça avec les juifs de Hitler parce que les Américains et Hitler, ça fait pas bon ménage. En général. Sauf pour Donald Trump. Donc, où c'est que je m'en allais avec ça? Il doit avoir un poster de lui dans sa chambre. On disait que Trump, il y avait cette idée-là qui est assez radicale et assez extrême. Mais le Front National, c'est des idées dans ce genre-là. Mais ils vont savoir comment mieux les apporter, comment mieux les expliquer pour faire en sorte que finalement, on a de l'air des aimés. C'est juste qu'on a comme pas le choix. Alors, c'est comme si on prenait une couverture, une doudou hyper confortable avec des jujubes et qu'on prenait la personne et qu'on le mettait dans un coin. Mais le résultat est le même. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est une femme qui le dit? Ça a l'air plus doux. Il faut lui donner ce point-là. C'est pas mal Le Pen, plus facile de manipuler quand t'es une femme que quand t'es un homme. Et là, ça sort de la bouche d'une femme. Ouais, je me prononce pas là-dessus. Non, tu trouves pas? Pourquoi? T'as-tu des choses à dire à ta blonde? Ouais, t'as pas pensé boire déjà. Bref, c'était ma façon de m'impliquer encore, de faire un Sébastien Gartin en moi. Alors, voilà. Voilà. J'ai de la culture. Oui. Donc, prochain lien, le curcuma. Saviez-vous que le curcuma avait plusieurs bienfaits nutritionnels? Non, mais ça là, ça marche pas. Oui, ben c'est ça. Décalé. Pète d'eau plus mes punchs. Excuse! Donc, c'est vraiment, Tania, trou de curcuma. C'est ça. De curcuma. Mais le lien mettait beaucoup de... En fait, on accorde beaucoup de bienfaits au curcuma, alors des bienfaits antioxydants, des bienfaits pour prévenir le cancer. Il y en a beaucoup. Mais finalement, tu lis tout ça et l'article est bien fait. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. Parce que dans le fond, tu lis tout ça, puis à la fin, on te dit « Oui, mais ça, à ce qui paraît, ça marche pas. » Fait que tu fais comme « Bon, ben écoute donc. » J'ai lu tout ça pour rien. Remboursez-moi mon temps. C'est ça. C'est un gros article, quand même assez très détaillé. Quand je vous parlais de gros articles que je lis en diagonale, c'est un exemple. Parce que, regarde la barre des... mais là, attends un peu, il y a 307 commentaires de lecteurs. Là. C'est pas tout l'article, la barre. Là. Alors, la barre fait, pour comparer, alors quand on le met en plein écran, la barre est... 3 mm. Ouais, c'est ça, un demi-centimètre. Mais c'est probablement un des plus beaux sites que j'ai vu, moi, à date, en carrière. Je trouve ça vraiment très joli comme site. J'adore ça. Oui, c'est cute. Très beau. Ouais. Ah, il y a beaucoup de commentaires à la fin. C'est le site de julienvenesson.fr. Oui. Tabouéran. Mais c'est l'article qui est intéressant, pour vrai, honnêtement. Pour ceux c'est parce que Julien répond aux commentaires, c'est pour ça qu'il y a plusieurs commentaires. Ah, il répond, à chaque affaire, toi. Il a sa face à toutes les deux, trois commentaires. Julien. Voilà. 20 à 30. 20 à 30, dernière catégorie. On rappelle à nos auditeurs fidèles qu'on est sur la chronique Google Globe et c'est la question « Pourquoi ça ne marche pas? » Puis là, vous allez aimer le prochain article. Je vous laisse le découvrir. Réagissez, non, moi je réponds non, pas. Non, là, moi j'ai réagi. Ça prend une caméra en studio. Daniel réagit. Ok, attends un peu, je suis en train de l'ouvrir. Ça, c'est 20 à 30 là, qu'on est rendu? Monsieur, t'as de la soie qui tombe du front. Comment ça marche, une laverie automatique? Non! T'es allé trop loin! Ah, l'autre avant! Là, tu pètes toutes mes punches. Ah non, c'est parce que j'ai dit 20 à 30. Non, ben t'as raison, Monsieur. Dit 20 à 30, je m'excuse, mais oui. Ok, on est encore dans les 15 à 20. Ben oui, puis c'était tout de suite après le les curcuma. Les médicaments contre la toux, et oui. Ça ne marche pas. Et voilà. Ou excuse-moi, cela ne marche pas. Cela ne marche pas. Dit-il. Oui. Sur Tendance Ouest, Presse Radio Web. Oui. Alors, je vous lis parce que quand on met le PDF, il y a toujours le lien de l'article et il y a à côté un petit site ou quelques mots pour essayer que les gens reconnaissent l'article sans être obligés d'aller cliquer dessus. Et en passant, c'est sur assemblagerequis.com. Dans les notes de l'émission, numéro 906, il y a le lien de tes chroniques tout le temps dans l'émission du jour. Merci. Il est là en ce moment. Mais si t'essaies de cliquer sur l'article en question qui dise... Caroline, Tania, Tania, voyons. C'est là. Tu révèles les secrets encore. Attends, là? Attends, j'ai rien dit. Attends, Tania, prépare-toi. Okay. Constitue ta phrase là. Bon, ok. Alors, mon petit mot pour ça, c'était médicaments contre la toux ou comment avoir un manque d'information. Alors, ouais, hein? Dans le fond, parce que l'article est tout petit et tout ce que ça dit, c'est ben 60 consommateurs sur ou 60% des consommateurs disent que c'est comme des bonbons. Ouais. Puis c'est tout. C'est... Ah. Puis après ça, ils mettent un lien pour dire pourquoi ça ne marche pas. Tania, je te lance la balle. Puis là, tu cliques sur le lien, puis il n'y a pas de page. Oh, c'est marqué « Not found ». Ah, mais attends un peu. OK, attends un peu. En tant que webmestre, oui, je connais la solution à ce dilemme, d'accord? OK. Hein? La chose, c'est que quand tu programmes un site web, il faut que tu mettes les http://. Si tu fais seulement www.quelque-chose, ça marche pas. Fait que tu vois qu'en haut, là, l'adresse est www.tendanceouest.com/www.60 millions. Enlevez le www.tendanceouest.com/ pour que ça commence par www.60millionsmag.com et soudainement, ça fonctionne. Ouais. Ça s'appelle Web 101. Ça. Donc, c'est un article qui dit « Contre la toux, la plupart des médicaments sont à éviter. Plus de la moitié des produits sans ordonnance que nous avons étudiés sont inutiles ou présentent plus de risques que de bénéfices. » Fait que ton petit message, il fonctionne plus. Ben non, ça fonctionne parce que moi, je parle du site qui m'a envoyé vers ça. Donc, en plus, le site est pas professionnel parce que lui, il savait pas quand il a fait son lien. Ça fonctionne. C'est vrai. Dit maintenant. Mais maintenant, on peut découvrir un lien secret ensemble en live. Oh oui! Donc, je vais vous lire les grands titres. Il y a trois produits qui devraient être retirés du marché, comme le néocodion, le sirop rinatiol et le sirop thiopectol. Et ensuite, contre la toux grasse, aucun médicament n'est recommandé. Contre la toux sèche, au mieux, l'efficacité est très modeste. Le pire et le meilleur sous une même marque. Ça ne dit pas la marque, par contre? Oui. Ça ne dit pas. Et alcool et allergènes sont légion dans les antitussifs. Eh bien, c'est écrit par Victoire Nsundé. Ah, ça me semble... Hey, Victoire Nsundé. Oui. Victoire Blood Nsundé. Ça me semble être fiable. C'est fiable. La victoire et un Sundé. C'est la voilà. Cerise. Alors, c'était juste pour péter vos... Péter la cerise? Oui. C'est le Sundé. Je vais en faire deux très, très, très rapides, très courts. Parce que je vois l'heure. Fait que ça va être très court, c'est correct? Ouais, vas-y. Oui, je vois faire des gros yeux, je suis comme, ok, non, je peux-tu plus? Pas trop, nous autres, tout ce qu'on fait après, c'est retourner se coucher. Ah, ok. Donc, très rapide, en fait, 20 à 30, alors, c'est un article sur les laveries. Fait que j'ai trouvé un article de quelqu'un, tu sais, les laveries, là, publiques, là, qu'on les peut buanderies, aller... Les buanderies, exactement. Lavoir, il y a plein de noms pour ça. Lavoir, ça. Mais j'ai trouvé un article qui parle de quelqu'un qui tient ça, qui explique comment ça fonctionne, puis comment ça marche. Un arnaqueur, comme on l'appelle. Ouais. Ça coûte cher des lavoirs là. Oui, ben il dit qu'on peut pas vivre de ça pourtant. Fait que il vit pas de ça. Puis en parce qu'il y a pas assez de gens qui vont l'utiliser. Moi j'étais parmi les seuls qui allaient à ma buanderie locale parce que tout le monde a une laveuse sécheuse chez eux. Hein, ben ma blonde maintenant elle vient chez nous, chez mes parents, depuis qu'on est ensemble parce que ça coûte trop cher effectivement. Puis sa phrase commençait par sa blonde, elle vient chez nous. Elle vient chez ses parents. Je sais pas comment pour monter de ça. Fait que je vais faire comme en impro, je vais faire de l'écoute. Je ne réagirai pas, je vais juste hocher la tête et me pincer les lèvres. Ouais. Tu remarqueras ça la prochaine fois. Ok, quand tu pinces les lèvres. Quand je me pince les lèvres et que je hache la tête, tout le monde fait « Oh mon Dieu, il sait où il s'en va. » Non. Non. Mais... quand elle se mord les lèvres, ça c'est sa blonde aussi. Quand elle vient, elle vient chez ses parents. OK. Elle fait ses boîtes, là. Bref, en lisant cet article-là, je me disais juste « Mon Dieu, ça doit être drôle de rencontrer quelqu'un et que lui, sa passion... » Tu sais, il fait ça dans la vie parce que c'est sa passion. C'est le lavage. Il fait mon père, je suis sûr qu'il serait d'âme de se partir une buanderie de lavage. Tout le temps. Il est propre. Tout le temps. D'accord, propre. Ouais. Moi, dernier article. Oui. Puis après ça, je vous quitterai. Mais je reviendrai la semaine prochaine. Donc, dernier article. Alors, c'est juste pour vous dire que si vous roulez 1 km en marche arrière pour essayer de fuir un contrôle policier sur l'alcool, ça marchera pas. Ah bon, c'est bon à savoir. Oui. Mais oui, plusieurs qui font l'erreur. Fait que... plusieurs qui... T'as-tu des choses à nous raconter? En marche arrière sur la quatre voies pour éviter un contrôle policier. Sur une autoroute. Fait que, mais il a fait ça devant le contrôle policier. Tu sais, t'es un policier, tu vois l'auto, l'auto recule, puis il fait juste comme rouler longtemps en reculant. Tu te dis, ben, c'est pas louche, ça. Ben non, non. Complètement normal. Surtout qu'il passe ses quatre voies. Le gars, il s'en revire pas, là. Il passe ses quatre voies à marche arrière. Wow. Puis en plus, dans un examen de conduite, là, il te le demande, quelle est la chose que tu ne peux faire sur l'autoroute? A, reculer. B, avancer. C'est flasher, faire jouer de la musique, ou dépasser. Faire jouer de la musique. Faire jouer de la musique. Mais semble. Mais voilà, terminé là-dessus. Et je terminerai en disant, parce que j'ai eu un tease, mais je vous dis encore plus, la semaine prochaine, soyez là, soyez à l'écoute, je prépare une chronique spéciale. Alors, quelque chose de spécial avec un invité spécial. Hey! Alors, je te l'ai pas parlé, Mathieu, mais bon, voilà. Tu vas faire aussi des surprises, ça. Oui, il y a assez de micros, j'ai calculé. Oui. Donc, mais ça va être toujours un Google Globe, alors on va se retrouver la semaine prochaine et ça va être mon cadeau avant de partir, parce que je pense que c'est la dernière. Oui, on finit un mardi de la semaine suivante, donc... Ouais, ça va être la dernière, le dernier mercredi. Ça va être mon cadeau pour le temps des fêtes. Génial. Donc, la semaine prochaine, Frédéric Bernard, Google Globe, les mercredis à 8h30. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. La musique devient peurante à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas. Bref, nous, ça va être la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui, Tania Baudin. Ben oui, déjà. Je regarde ça comme ça, puis j'entends de loin venir le thème de fin d'émission. Donc, on remercie Sébastien F. Gartin pour sa chronique Bulletin Gartin. On remercie Frédéric Bernard pour Google Globe. Demain, on sera mercredi. Mercredi. Ça, c'est comme le jeudredi, mais... C'est ça, c'est nouveau. Donc, on aura Alexandrine Pichessé à 7h30 pour sa chronique Les Précieuses Découvertes. Aussi, Justine Renaud va être là à 8h pour Justine Pertine. Et on va faire une grosse pointe en dresse aussi. Frédéric Bernard a eu la chance de goûter à la pilule au Buckley's en passé. Puis, le verdict de ta face. Allez. Ouais, c'est pas bon. C'est dégueulasse. Sur nos ondes à 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 15h, le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je ne vous garantis pas une émission en direct, mais je sais qu'il va y avoir une émission qui va jouer. Je suis déjà en train de penser à qu'est-ce que je vais jouer à ce moment-là. Donc, 15h à 17h. 17h, Audiomatique. À 20h, c'est Radio Sonic, émission de musique variée. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On se quitte avec une pièce que je te dédie à toi, Tania. Toi qui m'as remplacé au palmarès hier, je t'en remercie encore. Tu nous as choisi une pièce de Mos Lime. Oui. C'est I Always Get What I Want. Mm-hmm. Et je me rappelle qu'hier, t'as dit que t'avais toujours ce que tu voulais. Que j'essaie, du moins. Qu'est-ce que tu veux, là? Dormir. Bon, ben, je pense qu'on va l'avoir. À demain. À demain.